Indestar. Bienvenue sur Indestar avec l'équipe Peck Avenger et c'est notre spécial Noël. Joyeux Noël! Eh oui, Peck Avenger, c'est que du bonheur. Bonjour tout le monde. Bonjour Teddy. Bonsoir. Salut. Bonsoir. C'est Noël, hein. Oui. Je crois. Oui. Bientôt. Non, tu, je sais pas. Tu crois très bien. Ouais. Parce que de toute manière, on a entendu le traîneau du Père Noël, il est passé, c'est pour ça qu'on commence en retard. Il y a des interférences à cause des rennes. Ils s'occupaient de la fibre, ils font des interférences. Mais heureusement, on est en Boise. Ouais, voilà, c'est ça. Heureusement et pas, que... Et pas à Rennes. Ah, ah, oh, bravo. Merci. Non. Si, enfin... Ah oui, oui, oh, tu pas. Peux. Hein, oh, je sais pas. Mais c'est, ouais. C'est cadeau. Oui, voilà. On commence fort, hein, dis donc. Hein. Ouais. Oui, toujours fort. Alors, aujourd'hui, dans Peck Avenger, nous avons des invités en plus. Oui. Ouais. C'est nous. On a un côté féminin très développé aujourd'hui. Avec, non pas d'habitude. Une, mais deux. Oui, c'est ça. Deux femmes ou filles, comme vous voulez. Il oui. Y a les deux. Il y a les deux. Y a les deux. Donc, Linda et Léa, bonjour. Bonjour. Coucou. Vous êtes qui? On est Linda et Léa. Tu l'as, toi, tu l'as dit il y a 5 minutes. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'était histoire qu'ils se présentent un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce que tu vas faire sur la radio? Parce que je sais qu'est-ce que tu as un projet. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un projet d'émission. Exactement. Vite à conso. Ouais. Mais je cherche du monde. Et bah, nous, on connaît quelqu'un, t'as dit. Hein, on connaît Cindy. Oui, effectivement. L'info est déjà fuité. Effectivement. Mais c'est pas encore fait. Donc, s'il y a du monde, je prends. Des gens intéressés de la consommation. Cindy est très intéressé. Ouais. Bah écoute, très social web. J'ai hâte de le rencontrer. Très des causes perdues. Bah, t'as dû l'avoir sur le tournage du Boom Halloween. Oui. D'accord, parfait, mais ça me va, je prends qui veut. Tu la reverras le 16 janvier à la spéciale Harry Potter si tu viens. Parfait. Qui même avec plaisir. Voilà. D'ailleurs, il y aura des cadeaux pour cette spéciale Harry Potter. Il y aura des jeux. Il y aura des combats de sorciers. Super. Ça va être drôle. Ouais, style IA, mais version sorcier. Le YA, c'est un truc que Clément fait au fruit quand il fait de l'impro théâtrale. Ah ouais. Et on va l'adapter en version Harry Potter. C'est pas les trucs que tu te passes là, les uns après les autres? La boule d'énergie. Ouais. Donc ouais, en gros, le YA, on se met en cercle, okay. On se passe une boule d'énergie, on dit des mots, ça fait des gestes. Ouais. Et ben là, ça va être le même principe, on va dire, on aura des baguettes. Mmh. Et on va lancer des sorts. On va lancer des sorts avec des gestes ouais. Particuliers. Genre Leviosa. On l'a déjà vu, nous, parce qu'on est allé au Potterfest qu'il y avait. Ah, mais nous, on l'invente. C'était trop bien. D'accord. Parce que les sorts, ils existeront, ah. Mais on va inventer des gestes qui vont avec. Cool. Et il faudra pas se tromper. Ça va parce que Ismaël sera là pour faire l'arbitre. D'accord. Et si on se trompe, bah, éliminer jusqu'à temps qu'il n'en reste plus qu'un. Et c'est pas facile, hein, je peux vous avouer. Non, je confirme. Genre Wingard Leviosa, ça sera peut-être sauter sur place ou genre de truc. Waouh. Ce sera des gestes à la con, mais bon, on va bien s'amuser. Et il y aura un jeu aussi avec des cadeaux à gagner, comme je disais. Il y a toujours des choses à gagner, Indestar. Ouais, mais d'une valeur de 40 euros. Waouh! Ah oui. Du budget! On a allongé le budget! C'est ça, c'est ça. Indestar a du budget. Et ça sera sur la thématique Harry Potter. Évidemment. Donc, venez nombreux. On cherche des invités d'ailleurs pour ce truc. Et des intervenants. Les deux. Plus on est de fous, plus on rit. Oui, ouais. Tout à fait. Donc, toi, tu vas lancer Vita Conso en janvier. Ouais, voilà. En théorie. En si théorie, tout se passe bien, si t'as si assez de monde bien. Et tout ça. Ça sera le vendredi. Ça parlera de quoi, Vita Conso? Bah, de consommation en général. Ça va durer combien de temps? Ça va durer. Ça dépendra de l'équipe. Mmh. Parce que une ça... heure? Parce que moi, je serai juste après, normalement aussi, avec un projet d'émission. Ah, je suis pas au courant. Non, je suis au courant. Moi non plus, je suis pas au courant. Là, tu... là coup, je ça... balance l'info. Là. C'est direct. Le mercredi? Non, c'est le vendredi. C'est le vendredi? Quoi, du coup, toi? Moi, ce sera une émission de cinéma. Ah, cool. Le basé exclusivement sur un film et donc en gros je chauffe tout le monde et toi tu prends la suite. Voilà. D'accord. Mmh. Okay. Et je viendrai peut-être. Bah en fait. Bah, dans les deux du coup. Ah, ouais. Attention ce que tu dis. Vous en parlerai. Ça marche. Ah, de temps en temps, pas tout le temps, mais. Ouais. Mais vous êtes les bienvenus en toute façon. Bah quoique le vendredi vu qu'on sera plus à Noël je pourrais venir, mais ça sera plus simple. Je viens. Oh putain, je vais faire toute la semaine. En fait, t'es tout le temps là en fait. Ouais, c'est ça. J'ai mon abonnement Indestar Premium. Sinon tout le monde a passé une bonne semaine. Ouais, ouais. Fois, oui. Nous c'est les vacances, ça y est. Ouais. Parce que Léa est en vacances, ça y est. Léa, t'es en vacances. Ouais, t'es à l'école ou ouais, demain, non, t'es au collège? Je suis au collège. T'es en 6ème, 5ème? 6ème. Pas de bol. Si, c'est trop bien. C'est trop bien, 6ème. J'aime bien. En vrai, je préfère l'école que. Enfin, c'était sympa en fait l'école, en vrai. L'école ou le collège? Ouais, enfin, en général. Le tout. Venir adulte, c'est chelou. Parce que c'est vrai que maintenant que t'es vieille, t'as toujours... Ah, ça, c'est un Allez, ça commence. Bref, c'était... C'est profiter les jeunes. C'est vrai que c'était bien à l'école. C'était bien à l'école. Ouais. Ah, toi, ouais. Tu peux le dire. Ah ouais, putain. Ah, dans ma jeunesse, j'ai adoré l'école. Bon, on en met plein la tête, mais on est assis toute la journée, en vrai, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, et encore, parce que bien la tête, il suffit de prendre ça du bon côté des choses. Moi, hein, bon, les maths, je kiffais ça. Bref. Toi, Antoine, tu kiffais pas les maths, hein? Si, moi, les maths, ça allait. C'est le français, ça allait pas. T'es sûr? Parce que tes sœurs, elles sont très mauvaises en maths. Ah, mais là, c'est pas mal, ça. C'est pas héréditaire, ça. Surtout Amélie, ouais. Oui, surtout Amélie, pour le coup. Ouais, je crois que le pot, il est périmé depuis 5 ans, elle l'avait lu à l'envers. Tu te rappelles de ça? Mais ça, c'est pas une question de maths, ça, c'est une question de niveau, de... du coup. Oui, ça, c'est une question ça, c'est une de question QI. De QI, ça. Oui, voilà. Il est bien cuit, d'ailleurs. Le fameux 50 de QI, c'est pour Amélie. Voilà. Même moi. 50, on est gentil. D'accord. Et du coup, je disais, elle est en vacances? Et du coup, on a profité de ton invitation pour venir participer à votre émission, qui est super intéressante parce que Léa, elle est calée, c'est une geek, donc... Oui. Donc voilà. Bonjour, je suis une geek. Une geek en herbe. Ouais, c'est bien, on aime les geeks dans Peck Avenger. Ouais. Mais quoi ouais, je crois que je l'ai mal dit. T'as dit quoi? Ça m'a fait saigner les oreilles. Les geeks ou je... Les geeks? Ouais, ouais, d'accord. Geep. On aime les geeks dans Peck Avenger. On aime les geeks. On aime la Cybertruck. Non. Si, moi je la kiffe, franchement. Vous m'offrez ça, je suis content. T'es sérieux? Ouais. En miniature. Franchement, c'est la classe, tu te balades avec une voiture carrée, cubique. Ah, mais tu peux la repeindre. Tu m'avais parlé de ça? Ouais. Moyen. Mais tu la repeins en Minecraft et je te jure, c'est la classe. Mais je l'ai vu, mais il y a plein de dérivés maintenant. Pour toi, peut-être. Ouais. Ouais, ils délirent sur ça. Ah, bah, il y a plein de mèmes, c'est légendaire cette voiture. C'est complètement what the fuck de sortir ça à notre génération. Je sais même pas si ça va sortir. Si, si, en 2021 ou 20. Je sais plus. Bah, pour l'année prochaine, normalement. Mais bon. À quoi ça va servir? C'est ça la vraie question. Ouais, c'est ça. À rien. Toi, Galen, t'aurais pu ne pas venir. Ouais. C'est ça. Ouais, j'aurais pu, et à cause, pas à cause, mais il y a une soirée à l'ESCAT, soirée de Noël, et voilà, j'étais pas trop dans le mood, mais bon, ça avait l'air sympa aussi, mais bon, c'était soit la radio, soit l'ESCAT que j'allais décevoir, donc... Et bien évidemment, le choix est facile, c'est une Nesta. Bah non, mais pour moi, c'était posé le jeudi, j'avais prévu que ça soit le mercredi la soirée, malheureusement, elle a changé la soirée parce qu'il y a Star Wars qui est sorti. Et voilà. Ouais. Donc, tout tourne autour de Star Wars. Malheureusement. Ah bah oui, voilà. Et d'ailleurs, mais je fais des bisous à l'ESCAT. Et à Marguerite qui est. Thomas, Marguerite. Marguerite qui nous a lâchement Jade et Loïs qui est la plus belle. Ah voilà. Loïs, je l'ai pas vue elle. Non, mais voilà, je lui dis ça. Il y a un message subliminal là ou quoi? Non, c'est parce que. Hein? C'est comme ça. Peut-être. Voilà. Mais si elle est jolie, il nous faudra une photo parce que je la connais pas. Ok, je te montrerai. J'ai été à l'ESCAT une fois, j'ai vu un chien. Il n'y a plus le chien d'ailleurs. Ah, non, il n'y a plus Kenza. C'est triste. Oui. Méfiance avec les photos. Hein? Ouais, c'est vrai. Méfiance avec les photos. Pourquoi? Bah, tu peux être dégoûté des fois quand tu vois le truc en face. Oh, t'inquiète, avec un sac poule. Non. Oh pardon. Toi, Johan, t'as passé une bonne semaine? Ouais. Ouais. Fatigué, mais c'est... T'as fait nuit blanche? Oui, ça fait 48 heures que je suis debout. Donc t'as trop geeké. Ah non, pas du tout. Non, même pas. Non, pas du tout. Enfin, j'ai regardé genre 3 films de 2 heures, mais... Au moins ça t'a pas fatigué du coup? Ah non. T'es pas tombé du tout? Non, je suis au moins, t'as regardé quoi? Peck Avenger. Oui, alors j'ai regardé un film qui est sorti il y a un petit moment déjà, j'ai regardé The Network, la création de Facebook. Social Network. Ouais, Social Network. Sorti en 2010. Ouais, il commence ça date. J'adore l'acteur parce qu'il joue dans Zombieland, je crois, il me semble. Ouais, Jesse Eisenberg. Ouais. Le jeune. Ouais. Et je crois qu'il joue pas dans Les Beaux Gosses, ce mec-là, sinon. Les Beaux Gosses. Le film Les Beaux Gosses. C'est un film français, Les Beaux Gosses. Ah oui, bah, ça n'a rien à voir là. Bon, j'ai regardé ça et puis j'ai regardé un autre film, j'ai oublié le nom. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'était sympa. D'accord, ouais, bah, au moins, vous voyez, cette excuse-là, quand je regarde des films ou quand je joue à des jeux vidéo, il y a des gens qui me disent bah, « tu fais que ça, tu non, mais au moins tu sais en parler. Pour moi, voilà, c'est. Tu sais en débattre. J'ai d'autres sujets. En fait, je passe pour la radio. J'utilise les jeux vidéo pour poser. Enfin, je passe pour la radio. Je suis obligé de jouer. Sans bon alibi. Ouais, exactement. Comme ça, les gens, ils pensent moins que je fais rien de mes journées. Voilà. Du coup, on va parler de pas mal de sujets qui vont tourner autour de Noël, je pense. Oui. Ouais, c'est pas faux. T'as un joli chapeau d'ailleurs. Oui, on a un joli chapeau. Je l'ai trouvé tout à l'heure dans le KGB. Ah, il a un beau pull, mais oui, ah, je sais. Oui, je comptais en parler, bien sûr. Oh, merci. Tu peux rentrer dans la gamme pull moche, non? Peut-être, éventuellement. Exactement. Je pense il fait le concours des pulls moches. Non, mais on avait tous un pull moche à l'ESCAT. Ah, c'est vrai? C'était le concours des pulls moches? Non, moi je le trouve plutôt beau, ceux qui en portent. Tu l'as vu, le pull de Thomas, du coup? Non. Lequel? Il a pas mis de pull moche? Non. On est venu en Blues Brothers. Il a pas osé en fait. Ouais, hein. Ouais Thomas, ouais, je le voyais pas dans un pull moche de Noël. Ah, c'est bien. Je le vois bien. Tricoté par sa maman. J'adorerais voir ça. Bon, oh, tant pis. Tu vas nous parler d'un film. Tout à l'heure. Un film de Noël en plus. Et un film assez mythique. Ouais. Mmh. J'ai écouté la musique, je suis retourné en enfance. Ouais, non, mais direct, c'est dingue la musique. Hein. Mmh. Bah, tu l'as la musique là ? Mais il faut que je la remette. Ah mince, ouais. Dommage. Sinon, j'aurais fait écouter, j'aurais pas dit. Ouais, tu la remettras. Plus tard pour moi. Hein. Léa, tu vas nous parler d'un jeu vidéo tout à l'heure ? C'est pas un jeu vidéo. C'est vrai, c'est une un manga. Série. Bordel. C'est une série. Non, c'est pas un manga. C'est une série animée. C'est une série animée que j'ai trouvée sur YouTube. Ah. Qui est super sympa. D'accord. Tu nous en parleras tout à l'heure aussi alors. Oui. Antoine ? Oui. Tu vas nous parler de quoi ? D'un film ? Toi, tu vas nous parler de Schwarzy, toi. Ouais. Ah, oh. Yes. On va avoir du Schwarzy pour Noël. C'est de l'ancien, là. Ouais, c'est vrai, c'est du un film de 96. Ouais, je dis Schwarzy. Wow. Mon année de naissance, en plus. Ouais, c'est pas très beau. Mais ouais, comme quoi, ils en font pas avec des trucs bien en 96. Oh. T'es pas dans le 96, gars ? Dans le 96 oui, non, en 96. Ah, non, moi, je suis né en 2000. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça va. Il y a des choses bien. Je sais pas si c'est bien. En fait, ouais, t'es le plus jeune de l'émission. Ouais. Bah ouais, carrément. Bah oui, bah, à part Léa qui est présent. Et sinon, pourtant, c'est lui qui a un pull. Oui. What the fuck. Bon, c'est pas grave. Et toi, Johan, tu vas nous parler de quoi ? De Garry's Mod. Je sais pas si vous en avez entendu. Garry's Mod, ouais. C'est toi qui vas commencer de toute façon. Oui, ouais. Comme tous les jeudis soirs, l'italien. C'est ça. Et toi, mon cher Teddy ? Moi, je vais vous parler d'un manga. Moi, j'ai hâte. D'entendre. Vous avez hâte ? Ouais. C'est trop bien. Est-ce que tu m'as donné l'eau à la bouche ? C'est quoi ? Bah, franchement, on va avoir faim. On va avoir très très faim. Si vous regardez ce manga, bah, je peux dire le nom, de toute façon, on l'a teasé, c'est Food Wars. C'est un manga culinaire. Je suis à la. Et pour te dire, j'ai tellement kiffé que j'en suis à la fin de la saison 1 déjà. Ah, carrément ? Ah, mais c'est trop bien. Mais en plus, t'as faim ? Il y a une histoire. Je vais pas spoiler parce qu'il y a. T'as l'histoire d'un chef, mais j'en parlerai tout à l'heure. D'accord, ok. On va être patient. On va être patient. On est deux cuistots, du coup. Oui, on peut que aimer cette série là, tu vois. Mais même pour ceux qui sont pas très manga ou pas très cuisine, ouais. On a tous envie de bouffer tout le on temps. On a tous envie de bouffer. Voilà. Ouais. On se retrouve tous dans des beaux plats. On a tous envie de manger un beau truc. C'est ça. Ça donne très faim. Ok. On en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on va écouter Jagger, No Matter. Purée, je vais y arriver. Ce n'est pas un H, c'est deux T. Mais Jagger ou Jaeger, comme on veut. Jaeger, ça veut dire chasseur en allemand. C'est ça. Peck Adventure sur Indestar, c'est mieux que le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Adventures. Exactement, mieux que les aventures d'Aladin, ça clash dès le début. Ouais, comme ça. J'adore. On aime faire ça. Ça a commencé la semaine dernière. Hein. Ouais, déjà, ouais. Et ça a recommencé toutes les semaines. Mais ouais, c'est ça. C'est génial. Donc, les Peck Adventures, la spéciale Noël. Donc, on va aborder des trucs de Noël. Et notamment le jeu Garry's Mod. Oui. Où qu'il y a plusieurs modes. J'imagine. Bah oui, c'est le principe de ce jeu. En fait, ça a été créé par les par les créateurs de Half-Life. Ouais, Half-Life. Pardon, il est dur à prononcer. Ouais, c'est chiant. C'est les mêmes créateurs. Le jeu est sorti en 2004, donc ça fait un petit moment qu'il est sorti. Exactement. Et en fait, le principe de jeu, c'est que ça m'a fait beaucoup rire. Il n'y a pas de but à atteindre. Le but, c'est qu'il n'y a pas de but. Sympa. Voilà. Parce que dans les jeux, t'as toujours des buts, enfin des quêtes à faire, ce genre de trucs. Là, non. C'est un monde complètement ouvert. Tu peux créer ton monde aussi. Tu peux faire plein de trucs. C'est le principe du RP, en fait. Je sais pas, le roleplay, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Oui, si. Et du coup, bah, c'est ça. En fait, tu vas dans des mondes que que la communauté a créé, si tu veux. D'accord. Et il y a des modes de Noël aussi, c'est pour ça que je voulais en parler. Ce serait pas un peu comme Super Mario Maker ? Ou que tu vois, Maker, tu vois, c'est en fait. Tu crées ton jeu en fait. C'est ça, ouais, tu crées un niveau de Mario. Tu crées ton univers et si t'as envie de faire du roleplay, tu fais du roleplay. Si tu veux faire foutre le zbeu, tu fais le zbeu. Et c'est vraiment marrant, tu peux tomber sur des serveurs assez sympas. Après, il faut avoir un. Il est disponible que sur Steam, il est disponible que sur PC, du coup, tu peux pas l'acheter en magasin sur les plateformes Xbox et tout, ça existe pas. Forcément. Mais il faut avoir un bon PC qui marche bien, la connexion internet qui suit bien aussi. Ça sent le vécu, hein, dont j'en parle. Ouais. Parce que j'avais un petit PC portable avant et le processeur était pas ouf, donc ça ramait un petit peu. Mm-hmm. Et du coup, là, j'ai un PC un peu plus performant et je peux m'amuser, modéliser le jeu à ton goût, à ton image. Et puis notamment en spécial Noël. Et tu peux faire pop de Père Noël, des reines et tout. C'est excellent. Tu peux tout modéliser. En fait, si t'as l'esprit créatif, tu peux faire tout ce que tu veux. J'imagine, tu peux faire Halloween. Tu peux faire tout quoi. C'est en fait je sais pas trop par où commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus que Y a aussi plusieurs modes dessus. Il y a le mode Murder, je sais pas si tu as entendu parler. Murder. Genre sur YouTube, genre Squeezie et tout, ils y ont joué avec leur team là. En fait, le mode Murder, si tu veux, c'est. Bah, ils sont 5 dans un, ouais. dans un univers quelconque. Par exemple, ils vont spawn dans ouais. un chalet. D'accord. Et il va y avoir un tueur. Ok. Et le tueur va falloir le démasquer. Il va falloir, en fait, les gens vont parler en vocal, comme on parle comme en ce moment. Ouais, donc un peu en roleplay. C'est du roleplay, ça reste du roleplay. Ouais. Et en fait, tu vas devoir dissuader l'autre en disant non, c'est pas moi le tueur, mais tu peux lui faire un coup de trait. Tu ça va être une enquête en. C'est ça. D'accord. Et c'est assez fun comme jeu. Et bon, après, je vous le conseille, je dois avoir une 200 heures de jeu dessus. Ah ouais. Oui. Oui. Tu joues toi. Ah oui, je joue. Bah quand j'ai le temps, oui, je peux y jouer. Ouais. Mais t'as beaucoup de temps alors. En ce moment, oui. Ouais. Donc du coup, comme je suis sans emploi, du coup, si tu veux, j'ai un peu le temps. Tu profites en je vrai. Je profite, ouais. Ouais. Donc, c'est bien. Puis geeker, ça fait partie du boulot d'un Peck Avenger. Oui. C'est ça. C'est et ce puis, que tu disais il n'y a pas longtemps. Puis, j'ai envie de te dire, j'ai toujours été un peu geek dans l'âme. Donc depuis que genre j'ai 10 ans, je touche à une manette. Donc si tu veux. Ça sent bon, ça. Il faut toujours. Et ce jeu, franchement, si vous aimez créer. Pardon. Si vous aimez créer un univers, c'est le top. Pour les joueurs de Minecraft, par exemple. Ouais, voilà. C'est un peu plus complet qu'il y a plus de choix. Genre, si tu veux rajouter un lampadaire, tu peux rajouter un lampadaire. Si tu veux rajouter un meuble, tu peux. Enfin, c'est. Tu crées un univers, puis après tu fais ce que tu veux dedans, quoi. C'est ça. C'est ça. Puis tu peux inviter tes potes et puis t'amuser avec tes potes. C'est cool. Ouais. Franchement, le jeu est vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé. Et puis, si t'as envie de te détendre sur une pendule de soirée, où t'as passé une mauvaise journée, tu t'es fait engueuler par ton patron, puis tu dis tiens, je vais lancer ça, je vais me taper des barres. Parce que il m'est arrivé des fois de tomber sur des scènes, c'était vraiment hilarant. Sur des serveurs, tu tombes, tu dis mais où est-ce que je suis tombé quoi. Ça, ah ouais. Ça gueule, c'est quoi le pire que t'as vu? Le pire que j'ai vu, ouais, je suis atterri sur un serveur, plein de séances de braquage. Ouf. Je spawn dans une banque et là direct il y a Catman qui arrive, c'est hold up. Bah direct, forcément c'est du roleplay, bah moi j'ai rien fait, je me couche. Voilà. Et en fait c'est. Tu t'adaptes quoi. Tu t'adaptes tout le temps et c'est ça qui est fun. Du coup on pourrait faire une fausse radio et mettre des gens dedans et qui font de la radio. Oui oui tu peux vraiment. On pourrait faire de la radio dans le jeu. Il y a même si tu veux genre des vendeurs d'armes de ça peut aller très loin des vendeurs de shit. Enfin c'est n'importe quoi. Une fois il y a un gamin ça me fait de penser parce qu'il y a Liaka, il avait quoi, il avait 15 ans. Ouais. Il avait une petite voix. Je fais qu'est-ce que tu fais, enfin je suis allé le voir. Je fais qu'est-ce que tu vends. Je fais si tu veux j'ai de la dope et tout. Le mec il avait une petite voix. Je fais C'est ouvert à tout le monde, quoi. C'est ouvert à tout le monde, à tout âge. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de Peggy, là. Non, ah non. Tu veux ton la poudre rafraîchir. Mais après, c'est quand même assez surveillé. Il y a des admins et tout. Enfin, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc, si tu fais un peu des conneries, bah, tu te fais éjecter du serveur. Donc, comme beaucoup de jeux en ligne, forcément. Oui. Du coup, c'est éphémère. Tu mets ton truc sur le en ligne et après ça s'efface. C'est ça. Enfin non, ça s'efface pas. Il y a d'autres joueurs, par exemple de la communauté, qui peuvent rajouter des modes. D'accord. Si tu donc ça reste. Et ça évolue constamment. En fait, il appartient à tout le monde après. Toi, tu peux le sauvegarder dans ta base, mais il est aussi dans une base de données internet, on va dire. Ah ouais. Et du coup, tout le monde peut avoir accès à cette carte, genre on va dire la carte Linda. Donc dedans, je sais pas. Je sais pas. T'as ce que t'as créé un monde, c'est vraiment. Par contre, il faut être très patient parce que moi j'ai mis du temps à m'y faire à l'interface du jeu parce qu'il y a tellement de choix, de catégories, d'objets à trouver et ça reste ludique, mais j'ai mis du temps à apprendre. Genre. Ouais. C'est comme les gens qui apprennent par exemple moi à gérer la console en radio, j'ai mis plusieurs années. Ça se fait dans le temps quoi. Plusieurs temps à faire. Bah c'est pareil, un peu comme jouer aux jeux vidéo, il faut de la patience et après t'es content. Donc là tu profites en ce moment, ça y est, t'as passé le cap de. Au bout de 200 heures de jeu, j'ai fait le tour. Ouais. Non mais ouais, c'est vraiment marrant. Ça, c'est là, dans le dernier roleplay que j'ai fait, je suis vendeur de pizza. Ah, ça va, c'est soft. C'est pépère. Une fois, je me suis fait braquer par un dealer, je l'ai assommé à coup de poil. Ah, voilà. C'est ton arme là, poil. Ah oui. D'accord. Bah, j'ai que ça en fait. Du coup, vendeur de pizza, t'as une poêle. Ouais, c'est bizarre, tu fais des pizzas dans mais... les poêles. C'est pas trop roleplay. Non, mais en fait, si tu veux, j'ai des collègues que je connais pas forcément. Hein, c'est du service, ça reste du virtuel. Et des fois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ta poêle? Je sais pas, j'avais envie de faire spawn une poêle. Il a fait spawn une poêle sur l'établi. Il pourrait pas faire une pelle à pizza, genre tu sais, le c'est mieux, non? Bah ouais, c'est ça, mais c'est what the fuck. En vrai, en fait, tu te marres tout le long, quoi. Tout le temps, mon voisin il va me prendre pour un fou parce que je glousse tout seul dans mon appart. Et, personnellement, le coup de pelle de boulanger, je connais. Ah, ça fait mal. Ça m'est arrivé d'en donner ou d'en recevoir. D'en recevoir, ça peut être. Donner? Bah oui. Ah oui, tu m'avais raconté avec les rats, non? Oui, voilà, c'est ça notamment. Mais il y a un truc à savoir en boulangerie, parce que vous avez tous l'image du boulanger avec sa pelle à bois en train de défourner du pain. Oui. Et ben en fait, faut pas passer derrière, parce que derrière il y a un très long manche. Ça fait mal. Ah, tu te l'es pris déjà. Ça, voilà, faut faire attention. Bah, ça m'est arrivé dans ma jeunesse quand j'étais apprenti. Au début, tu vois, tu comprends pas, tu passes. Pouf. Oh. Ça te réveille quoi. Ouais, et du coup tu te retournes vers la personne te regarde et bah tu peux pas te décaler. Ah ouais, ok. Mais tu comprends pas tout de suite, mais en fait il y a une règle en boulangerie, c'est l'appel est roi en fait. C'est toi que tu t'écartes, pas l'appel. Ouais. D'accord. Et ça paraît logique en soi. Ouais, oui. C'est un ustensile assez imposant, je m'en suis déjà servi, je t'avoue que. Et du coup maintenant bah. Bon, essaye de faire gaffe, mais j'essaye aussi de foutre des coups aux gens. Tu regardes derrière ton épaule, attends, il y a l'apprenti. Exactement, je surveille quand il y a des gens qui passent. Pour lui apprendre le métier, en fait. Exactement, j'aime faire le sadique avec les poils. Les pelles. T'es dit sadique. Sadique, pardon. Ouais. Mais en vrai, ouais, c'est... Si vous voulez passer un moment marrant et voir du grand n'importe taper quoi. Taper avec des poils. Voilà, taper avec des poils si vous faites braquer. Et quand vous êtes sur des serveurs roleplay, par contre, ils sont intransigeants. D'accord. Si vous faites une connerie, dégage. Tu dégages. Oui, parce que oui, du coup, le roleplay, en fait, ça a une. Comment dire, ça. Ça a une grosse valeur. C'est un peu comme le enrôlé dans la folie, si tu veux. Tu peux pas. Oui, faut pas sortir du contexte. Voilà, c'est ça. C'est ça, je cherche le mot. Si tu sors du contexte, bah, tu pourris un peu le game pour les autres, en fait. Donc, forcément. Faut que ce soit jouable pour tout le monde. Mais après, il faut qu'il y ait un côté lol. Voilà, je sais pas. Mais il y a vraiment du côté lol. Une fois, j'ai eu une voiture volante parce que le truc il buguait. Oui, des fois ça peut arriver, des petits bugs de serveur. Une fois, je marchais tranquillement, je me suis retrouvé en dessous de la map. D'accord. Du coup, j'ai dû redémarrer le jeu. Donc, Est-ce qu'il buguait plus que le jeu de catch Je sais pas, mais j'en ai entendu du mauvais sur ce jeu là, donc je vais pas l'acheter. Je crois qu'on en a parlé la semaine dernière avec Dorian. Dorian, ouais. Dorian, pardon. Dorian. Pas il habite juste à côté. Ouais, non, mais il y a des petits bugs, mais ça arrive. Hein. Bah, comme dans tous les jeux, hein, forcément. Et voilà. D'accord. Mais c'est un jeu sympa. Ouais, c'est cool. Par contre, je suis désolé, j'ai pas le prix. Il est payant, je sais, mais j'ai pas noté le prix avec moi. Ouais. Mais c'est un jeu en téléchargement. Ouais. C'est un jeu téléchargement. Il est pas très, gros. Donc. Il était pas gratuit avant. Non. Enfin, au début, il a été en early access. La bêta, En accès anticipé, mais après, il est devenu payant. Je crois que je l'ai eu, mais gratuit. Ouais, moi, j'ai testé la version bêta, puis après. Tu as joué Non, j'ai pas joué, je pouvais pas, mon PC était pas assez puissant. T'as payé, c'est bon ? T'as pas d'autres choses à. Une fois que t'as payé, non, tu. Pour avoir d'autres trucs ou quoi ? Non. Franchement, non. D'accord. Ok, c'est cool. Et c'est fun, hein, c'est vraiment fun. Tu jouerais, toi, là ? Je sais pas. Bah, créer des futur geek ? Bah, ouais. Créer des endroits. De toute manière, quand on dit tu vas y jouer, t'es obligé de dire oui. Sauf à FIFA, Call of et tout ça. Mais après, FIFA, c'est du foot et le foot. Non, mais t'as le droit de dire non, ça. C'est les seuls jeux où t'as le droit de dire non, je joue pas ça. Elle va dire c'est moi, je joue. C'est anti-geek. Je déteste FIFA. Je déteste FIFA. Ah, si. C'est logique. FIFA, c'est pas un jeu pour moi. On est tous d'accord sur ce point-là. Bah, c'est pas un jeu tout court. Non, moi j'aime bien. C'est bien, mais. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'y joue. Ouais, moi aussi. Non, mais on y a tous joué. Mais t'es footeux, t'aimes le foot? En vrai. Non, pas du tout. Bah non, c'est étrange ça. Il fait partie de l'escalade, tu peux pas être footeur. Je sais pas, en tout cas, qu'est-ce que tu kiffes dedans alors du coup, c'est quoi? Je sais pas. D'accord. En tout cas, j'aime peut-être bien le dealer entre apparemment potes, ou... contre mon cousin. D'accord. Parce que moi, le seul intérêt que je trouvais à FIFA, c'était jouer avec certains de mes cousins dans ma jeunesse. Ouais, voilà, parce que c'est pas des gros geeks, juste... donc ils jouent à FIFA. Donc ça fait aucune valeur au final. Pour moi, non, ça n'a aucune valeur. La valeur familiale pour moi, c'est. Bah, si, c'est Noël, on a de la valeur familiale. Ouais. Mais ça, c'est un autre. FIFA, c'est un autre débat en tout cas. Voilà. On ne parlera pas de FIFA dans PK Manager. On devrait faire un sondage derrière dans PK Manager. Ouais, ça sera très vite. Pas besoin de sondage. Ouais, mais en tout cas, en vrai, si t'as pas envie de te faire chier à créer un monde, tu vas dans des serveurs et il y aura toujours du monde. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un listing, c'est assez complet. Hein. Il y a un listing et t'as le nombre de joueurs qui sont connectés actuellement. Et tu peux tomber dans des serveurs. Moi, une fois, je me suis trompé, je me suis arrivé dans un serveur russe. Ouf. J'ai fait ouais, qu'est-ce que je fous là? Donc, du coup, j'ai changé. Bah ouais. Mais c'est cool, les Russes. Pour communiquer, c'est emmerdant. Ils sont assez agressifs hein, quand ils parlent au micro, les Russes. Voilà. Pardon. D'accord. Mais voilà. Tu peux faire attention. C'est divers, quoi. C'est divers. Ouais. L'algorithme, je pense que c'est d'été. Hein? C'est d'été. Bah, si c'est d'hiver, il y a d'été ou pas? Oh putain. Steak. Pourquoi pas un steak? Allez. J'ai changé entre autres. Ouais, j'ai vu ça. Je t'ai pas prévenu. C'est pas grave, j'ai vu steak, je me suis dit, allez, vas-y, steak. On prend steak. Voilà, donc c'est un jeu moi qui m'a beaucoup plu. D'accord, c'est cool. Eh ben, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on s'écoute le prochain morceau. Je veux bien, mais on s'écoute pas alors. On écoute pas. Parce que sinon, on s'est tapé sur les doigts par la prod. Est-ce qu'il y a des petites musiques de Noël là? Ah ouais, ouais. Ouais, il y a une petite musique. Déjà, je sais que la programmation d'Indestar, c'est programmé Noël. Donc en théorie, c'est des musiques un peu différentes de ce qu'on écoute d'habitude. J'en ai vu une, attendez, c'est de Tiffany Alvord de Jingle Bell. Ouais, ah bah, par exemple. Voilà. Mais en c'est pas ça qu'on va écouter tout de suite. Mais là, ça va être aussi, je pense, parce que le titre de la musique, c'est Holiday Medley. Ouais. Holiday, c'est peut-être. Max Schneider. Putain, c'est allemand ça. Schneider. Schneider. Ouais. Je sais pas, je connais pas. Holiday, ça veut pas dire vacances. Si, je crois. Je crois. Si, si, je... Ouais. Je crois. Elle est bonne en anglais, attention. Ouais. Tu peux passer en cinquième. Et Schneider. C'est qui Schneider? C'est pas dans Tortue Ninja? Si. Bah si, bah, si c'est le part. Méchant. Ouais. Ah, ou Romy Schneider. Ah ouais. Voilà. Non, je préférais les Tortues Ninja, perso. Hein. Ouais, c'est vrai que... Mais c'est bien joué, les Tortues Ninja. Je voulais pas le dire de base, je pensais que ça ferait trop kick. Non, c'était trop bien. Ouais. C'est non, mais je pense à Romy Schneider, tu vois. Je sais pas qui c'est Romy Schneider, je sais que c'est une actrice. Ouais, je suis sûr voilà. que je l'ai déjà vieux. Fait cette blague, oui, en plus. Oui, non, mais attends, tu l'as fait la semaine dernière, je crois. Ouais. Heureusement Gélan est là. Il faut te renouveler un peu, Teddy, là. Eh ben... Ouais, mais va trouver un truc avec Schneider. Ah bah, c'était bon. Oui, bah, même moi, là, je vais pas... Bah, voilà. Bah, si même Gaylan l'a pas, alors à part les Tortues Ninja, on peut c'était pas faire bon. Autre chose. Mais c'était les Tortues bon. Ninja, c'est bien. Ah, oui, donc on écoute Mash Neder, peut-être des Tortues Ninja. Voilà. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le manga Blue Dragon. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avenger. Je suis pas d'accord. Tu me remets un autre jingle. Ah, c'était pas le bon. Tu veux un autre jingle? Ouais. Ah, ouais on l'a déjà eu celui-là. On l'a déjà eu. Ouais, on a déjà eu Blue Dragon. Il est temps que je me confie. On en a parlé, on a dit même que Eric pourrait peut-être connaître. C'est vrai. On rappelle le chapitre. Je veux un autre jingle. Attends, on remet un autre jingle. Le boss, il est pas content. Allez. Bah en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai... Oui, c'est bien. Oui, c'est bien ça. Okay. Le Dragon Ball, tu peux le mettre. Celui-là ? Ouais, ouais. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que l'animé Dragon Ball Evolution. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avenger. Ça, c'est une spéciale dédiée pour Eric, du coup. C'est pas un animé, le chef Dragon a dit, Ball Evolution. Non, c'est, là, c'est parce que c'est notre producteur qui a fait les jingles et Théo, en manga... C'est dur ? Ah bah il s'y connaît pas trop et du coup Dragon Ball Evolution c'est pas on ça. En parle t'en parleras à Eric tu verras ouais. ce qu'il te dira je pense ouais. on doit tous penser le même avis ça ne oui. doit pas exister ça. Oui oui c'est ça ouais. je ne pourrais pas te répondre je ne connais pas ah, t'imagines un manga ouais. de combat comme Dragon Ball ouais. mais en film ça dépend avec des acteurs même pas japonais ah ou oui pas... ça pique là quoi ouais, ouais. C'est d'accord coup, un peu comme le film Disney Note. Va en faire un autre film hein. Ouais qui sera peut-être oh, je sais pas si ça... faut pas tenter des trucs comme ça. Ça te détruit les oreilles, quoi. Bref, je sais pas. Ça détruit la rétine aussi. Ouais. Ah ouais, la ouais. rétine surtout. C'est ouais, tu peux pas. Tu peux pas. Par contre, il y a un manga, lui, qu'on peut. Ah, lequel oui, lui pourrait être adapté en film. Putain, ça enverrait du lourd. D'ailleurs, j'ai pensé à toi. Excuse-moi, je vais te couper 5 ouais. minutes parce que j'ai fait mes cadeaux de Noël. Et, t'as 2 minutes. Mon petit frère est fan de Food Wars aussi, il a fini toutes les saisons. Ouais. Et il a même, tu sais, je t'avais dit le petit logo avec son petit oui, pull. Oui, c'est ça, il s'est fait un pull avec un logo. Du coup, il l'a imprimé et tout, il a le logo de la série, et il est super content. Et je suis passé dans le rayon manga, je me suis dit, tiens, je vais voir s'ils ont Food Wars et tout pour lui offrir à Noël, tu vois. Du restaurant Yukihira. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je suis deck parce qu'il y avait juste le tome 12, ils se sont fait dévaliser. Oh pétard, la vache, 12, c'est quand de commencer à 12 hein. Bah voilà, c'est ça. Bon, après, je sais qu'il y avait eu les épisodes, mais bon. Mais il y a un suivi entre chaque. Ouais, il y a un suivi. Donc, ah, commencer. D'accord, il y a une histoire. Ah oui, il y a une histoire. Il vaut mieux commencer par le 1 que par le 12. Oui, forcément. La plupart des mangas, généralement, ça commence de 1 et ça fait. À 12 ou 13, généralement. Ouais, c'est la moyenne. Ouais. D'accord. Ah bon ? Oui. Oui c'est d'accord, ça. Parce que moi j'ai une énorme collection de détectives Conan. Oui, parce que s'il y en a, ils vont bien plus loin. Genre par exemple, les One Piece, ils sont à 70 ou genre le truc. Ah non, non. C'est un autre level. Ouais, ça dépend. Oui, c'est normal. Ouais, ouais, ok. Bah oui, je dis One Piece parce que c'est pas fini encore. Mais oui, il y a plein des mangas qui vont bien plus loin que ça, évidemment. C'est juste que la plupart des mangas qui sont, comment dire, ont 2-3 saisons en animé, en manga, ils vont avoir une dizaine de mangas généralement. Il y en a, ils ont 7, d'autres 12. Après, ça dépend de l'épaisseur du manga. Ça dépend comment ça marche aussi, non ? Ça évolue selon. Quand ils sortent toute la saison en manga. On peut dire ça, oui. Ouais. Déjà en France, on les a pas toujours en français. Ah ouais, au Japon, ils les ont. Ouais, nous, c'est on ça les que a ça pas... met du temps à arriver en France. Ouais. Ça met du temps, ouais. D'accord. C'est du coup, j'étais en train de checker le nombre d'épisodes dans une saison, par exemple, de Food Wars. Et là, genre, rien que la première, il y en a 24. C'est. Ouais, mais. Alors ça, c'est tu parles de l'animé pour le coup. Oui, c'est l'animé pour le coup. Ouais. Et comment dire, et la saison 4 qui est sortie, mais elle est pas encore en France. Ah ouais. Ah. D'accord. Elle est pas encore doublée en français, mais elle existe. Je sais. Ok. Pour l'instant, j'ai regardé ce que j'avais déjà regardé. Alors, c'est un animé qui est sorti en 2016 en France. L'illustrateur s'appelle Shun Saiki, mais on s'en fout. Même s'il dessine super bien pour le coup. Ouais, mais bon. C'est important. Que bah. Qu'est-ce qu'on le connaît ? On le connaîtra jamais, ce type. À moins qu'il vienne ou je sais pas. Ça se trouve, c'est un pro de la cuisine. Qui vienne. Non, lui, c'est... Qui vienne, pardon. Attention, monsieur Merci, dictionnaire est là. Prof de français. Hein non, c'est qu'il a un pull, il peut être prof maintenant. C'est vrai, il a le pull qui va avec. J'ai la petite chemise en dessous aussi. J'ai vu que t'es très classe, même le la pantalon classe, et tout. Mais il est toujours très classe, ouais, non, c'est galère. Là, il fallait s'habiller classe en plus. Et bah, c'est bien. T'as mis un pull de Noël. Non, j'étais pas en pull de Noël. Moi, j'ai mis un pull tout court. J'étais en veste-cravate. Ah ouais, ça, bah, j'essaierai d'avoir la photo. Évidemment, on veut la photo, on la mettra dans le pack Avenger. Non, ça c'est pas toi. Ça. Ah ouais, tu es très très classe. Ouais, t'as vu ? T'as un petit air de. Comment il s'appelle ? Keanu Reeves. Ouais. C'est ça, ouais. Un petit, hein. Très bon acteur. C'est ça. Très bon tout. Oui. Je reviens sur Food Wars. L'illustrateur c'est Shun Saeki. Il a été écrit par Yuto Tsukuda. Évidemment, ça vous parle. Hein, bah oui, évidemment. Bah ouais. Alors forcément, non, ça va pas vous parler. Par contre, la chef cuisinière qui a inventé tous les plats. Enfin, elle les a pas vraiment inventés pour le coup, mais celle qui a participé à la création du manga en disant tiens, on peut mettre un curry à ça, à ça, à ça. Mm-hmm. Et ben, elle s'appelle Yuki Morisaki. Vous la connaissez peut-être pas, mais elle est mannequin aussi. Oh pétard, elle fait deux ouais. choses. Chef Alors. Cuisinière et mannequin. Donc elle est belle en plus qu'elle fait de la cuisine. Oh, okay, c'est oui. cool, hein. J'ai vu des photos, j'ai été checker. C'est quoi son nom ? Petit coquin. Yuki Morisaki. Bah ben ouais, elle est très belle en vrai. Hein. Et cuisinière en plus. Oh putain, je le rêve. Aller voir. Avant du rêve. Et tous les plats qu'elle a mis dans le manga, ils sont tous réalisables. Ouais, c'est ce ils sont tous possibles. C'est ce que je disais hors antenne. Il n'y a pas un seul truc, il n'y a pas une seule incohérence. Mm. Mis à part peut-être le temps à la rigueur quand ils font leur plat. Ouais, mais dans toutes cheater, les émissions, mais... c'est comme ça. Oui, hein. Voilà. On réduit. Hein. Mais, est-ce que tu lis le manga ? Ah ouais. J'ai pas lu le manga. Non, je voulais savoir s'ils proposaient une recette à la fin d'un manga ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est pas con. Alors, il y a encore mieux. Yuki Morisaki, elle a carrément créé un livre sur toutes les recettes qu'il y a dans Food Wars. Un site internet peut-être. Un livre. Mais donc, de toute j'imagine façon, qu'il doit y avoir un site internet, j'imagine. Dans le manga ou dans l'anime, il y a forcément une recette tout le long, non ? Oui, mais ils vont pas te décrire tout non plus. Ah, donc à la fin tu peux pas la faire du coup. Exactement. Alors là, elle est en mode sexy quand même. Oui, genre, j'irais bien on le montre à la caméra, mais on n'a pas de caméra ce soir. À ce donc, point-là, fais voir Jolan. Ah bah là, oui. Pose. Là, mais c'est deux attributs en avant, la cuisine et sa beauté. C'est très dénudé. Ouais, d'accord, c'est pas de la cuisine là, les gars. Si, si, si, elle a un plat. Elle a une bonne paire de références. Voilà. Donc, franchement, je trouve ça bien en fait qu'ils ont fait appel à une chef cuisinière pour mettre du réel, on va dire, dans un manga. Ouais, mais du coup, tu viens de me dire un truc qui me déçoit. On n'a pas la recette entière pour pouvoir étudier. Ils peuvent pas l'expliquer dans tous les épisodes. D'accord. T'imagines, par épisode, ils ont, je sais pas, 10 plats. S'ils expliquent comment ils font chaque fois truc. Ah, 10 plats quand même. C'est plat. Bah, ça dépend des épisodes, évidemment. Mais genre, par exemple, je peux vous parler d'un passage. Il y a un moment où, lors d'un concours. Ils sont 50. Il doit faire 200 plats, je crois, non ? Alors, oui, non, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose ? Mais c'est 200 plats chacun. Ah 200 oui. le même. Non, lors d'un concours, ils sont 50. Ouais. Ils doivent tous inventer une recette qui tourne autour du curry. D'accord. Ouais, donc alors. C'est varié, quoi. Ouais. Ouais, alors bien sûr, c'est pas que sur un seul épisode, mais t'en as pas mal par épisode. Donc, si tu expliques à chaque fois, même si ils disent des trucs, ça va être des vocabulaires de cuisine ou genre de trucs, et ça va pas t'expliquer vraiment comment ils font. D'accord. Fait. Donc c'est pas vraiment la... Enfin, c'est la cuisine qui est mise en avant, mais c'est pas pour faire de la cuisine, au final. Bah, le livre est là pour ça, j'imagine. Je pense que le livre est là pour ça. C'est pour planter le décor, quoi. Oui, quoi. Bah oui. Et puis c'est pour te montrer ce qu'on peut faire. Je pense pour donner l'eau à la bouche. Ah bah, ouais, carrément. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui est bien dans cette série, c'est que c'est varié. Il y a la cuisine japonaise, italienne, française. Ah, d'accord. Il tout les styles de cuisine. J'avais pas capté. Ils se plantent vraiment pas là-dessus en termes de la cuisine. C'est vraiment très sérieux leur cuisine. Ils parlent même de Bocuse. Ah oui. Donc qui est une pointure. Donc ils veulent cibler plein de gens, quoi, en fait. Bah, surtout ils ciblent l'élite. Ils parlent de Philippe Etchebest. Non, Philippe Etchebest. Il est pas japonais, non. Ah mince. Je ne connais pas non plus. Est-ce qu'il parle d'Alain Delon ? Non, non, mais non. Il parle de Bocuse. C'est un cuistot français. Tu regardes pas l'émission ? Il va dans les cuisines, il défonce tout le monde parce qu'il dit ouais, c'est pas bien. Ah, tout, le chauve ! Ouais. Ah ouais, mais alors lui. Alors... Cauchemar en cuisine. Bah oui. Il y a des trucs qui fait bien, mais il y a des trucs. C'est surjoué autant, des fois. Je l'aime pas ce mec-là. C'est un peu un guignol. Je veux pas critiquer, mais bon, je suis pas un grand cuisinier, mais bon. Certes, il fait peut-être de la bonne cuisine. C'est un jeu de théâtral, moi, je trouve, cette émission. C'est ça. Il fait de la bonne cuisine, mais il est pas pédagogue du tout. C'est un peu comme Cyril Lignac, c'est un peu la même chose. C'est un beau gosse, Cyril, donc on peut l'excuser. What the fuck, mais c'est un beau gosse, mais il a coupé ses cheveux, il est plus beau maintenant, il est moche. Il est juste beau gosse, en fait. Non, mais il a coupé ses cheveux, laisse tomber. Ouais, je sais pas, mais bon. Oh, bref. Voilà. Les chefs cuisiniers sont ce qu'ils sont, mais c'est en tout cas... Bocuse est une référence, oui, on peut pas nier. Et il est dans le manga, ils en parlent. Donc c'est vachement. Ils parlent beaucoup de la cuisine française parce que notre cuisine est quand même l'une des meilleures au monde. Ouais. apparemment. Enfin, les Japonais en sont très fans, pour le coup. Mais on aime toujours ce qu'on n'a pas, en fait. Parce que moi, j'aime bien la cuisine asiatique et je suis plutôt... Oui, mais quand t'es français, voilà, t'as la cuisine française chez toi, donc... Tu te dis, bah, je vais aller voir ailleurs. Là, c'est ça. Fou, hein. Mais pour le reste du monde, la cuisine française, c'est the référence. On est une élite. Et c'est la cuisine qui revient le plus après la japonaise, parce que c'est quand même un manga japonais. Mais, d'accord, oui, c'est... Oui. Mais bon, voilà, on est quand même bien mis en avant. D'accord. Alors... Il y a la voix FR du héros principal qui s'appelle Soma Yukihira. Mmh. Elle est interprétée par Bastien Bourlet. Alors, vous ne le connaissez pas sous ce pseudo. Par contre, vous le connaissez parce que vous l'avez vu dans d'autres mangas. Mmh. Enfin, si vous regardez des animés, vous avez peut-être regardé Attaque des Titans. Ah bah oui, quand même. Eren Jagger, le héros principal, c'est sa voix. Ah, si vous avez regardé... Ouais. Si vous regardez Assassination Classroom, Karma Akabane, c'est le mec avec les cheveux rouges qui est un peu taré. Ouais. C'est sa voix aussi. D'accord. Si vous avez regardé le My Hero Academia, le héros principal, c'est aussi sa voix. Izuku Midoriya. Ah, j'y arrive pas à le prononcer. Je sais même pas, tu vois. Okay. Bon, mais il va falloir que tu me donnes des listes hein, pour que je regarde parce que j'en regarde pas assez moi. Donc, ah, c'est des mangas assez classiques ça. Ouais, c'est classique. Et il fait même Genos dans One Punch Man. Ah bah voilà, voilà oui. Ah ouais, il a gardé le meilleur pour la fin. Voilà. Il pèse dans le game quand même. Voilà, donc ouais, c'est un doubleur français assez. Connu. Assez connu pour le coup. Même si on connaît jamais leur nom, enfin, moi, je m'y intéresse. C'est vrai ? Ouais, bah voilà, bah, Bastien Bourlet. Tu vois, je te partage des connaissances. Ah bah c'est super. T'as vu, hein ? Ouais. Je fais des trucs bien. C'est cool. Alors, le petit synopsis. Soma Yukihira, il rêve de devenir chef cuisinier. Il travaille dans son restaurant familial avec son père. Son père qui est un grand chef cuisinier de son petit restaurant traditionnel. Enfin, ils sont tout seuls en fait, donc c'est facile de dire que c'est un grand chef. Mm. Mais Soma, ils font toujours des petits concours et il n'arrive pas à le battre. Ouais, c'est assez fun. C'est tellement hilarant. Ils font des concours de ceux qui font les meilleurs plats et tout. À chaque fois, c'est son père qui gagne. Et font des concours aussi du plat le plus dégueu. Ils inventent des trucs à la con. Ouais. C'est dégueulasse. Genre des mélanges improbables, des trucs. C'est ça, ouais. D'accord. Mais on verra plus tard dans le manga que ces mélanges improbables, eh ben, ils servent à quelque chose. D'accord. Ils s'en servent d'une manière ou d'une autre pour. Bah, justement, en fait, il fait des tests. Ouais, c'est comme ça qu'on fait des recettes. Hein. Exactement, en faisant des erreurs, entre guillemets. Ouais. Parce que c'est dégueulasse ce qu'il fait. Mais... Enfin, c'est à la limite du sadisme là, par contre. Oui, c'est vrai, parce qu'il les fait bouffer à ses camarades, par contre. Voilà, c'est les testeurs, quoi. Ouais. Les goûteurs. Ouais, il sait que c'est dégueu. Il sait que c'est dégueu. Il l'a fait exprès. Il y a une référence là dans Goûteur ou quoi ? Vas-y. Mission Cléopâtre. Bien. Oui. Ah oui. Bien. Enfin, plus. Bien joué. J'allais penser plutôt à l'aile et le poulet, mais pourquoi pas ? L'aile ou la cuisse ? L'aile ou la cuisse. Pardon. Non, moi j'étais bien. Non, mais moi j'étais avec toi sur Cléopâtre par contre. Plus, je crois que c'est plus aux Jeux Olympiques. Non, c'est non mais même dans Cléopâtre. Les anciens, dans possible. Les anciennes ouais, BD, il ouais. y a un goûteur. Oui, ça, il goûte un gâteau, il devient malade et voilà, tout le gars. Oui, bah, oui. Ah mais là c'est que c'est mauvais de base. Ah c'est mauvais dans la bouche déjà. Il fait des trucs, mais je sais pas. T'as une idée de, enfin tu peux nous en parler peut-être. Des tentacules de pieuvre avec. Ouais. Je sais pas, mais il y a une sauce chelou. Il y a pas du miel par moment, non. Si, je crois qu'il y a du. Oui, il y a du. Je crois qu'il, ouais, il a essayé avec du miel, ça marche pas du tout. Et du curry. Ouais. Non. J'ai l'impression qu'ils adorent le curry. Il y a pas que, mais. Dans ce manga, je sais pas, mais. Non mais ça avait l'air. Ah ouais. D'accord. Tu sais, ils sont pas très épices non plus au Japon, c'est pas spécialement leur délire. Même s'il y en a. Ils sont pas très épices au Japon, et moi je peux te dire que je suis allé en Thaïlande. C'est bon, c'est vrai. Ah oui, ah bah, en Thaïlande, c'est autre chose. Hein. Je suis allé en Thaïlande. Ça envoie, ouais. Ah, en Thaïlande, ils sont très épices. C'est tout le contraire, justement. Mon palais a souffert. En fait, je peux même vous faire des différences entre les cuisines, par exemple, françaises, japonaises. Japonaises, en gros, ils vont être plus dans le style on évite de toucher l'aliment. Mm. Ah. Un maximum, on le pas laisse contact, tel quel. Non, pas, ah, pas physique, mais en gros, on essaie toujours de le conserver. D'accord. Au maximum. En France. C'est tout le contraire, ça va être transformation à fond, quoi. Ouais. Voilà. Et bah, pour ce qui est de la cuisine thaïlandaise, orientale, ça va être très épice, très bouillon, très soupe, enfin, avec du liquide. Il y a des styles comme ça, Tu me donnes faim. Ouais, mais grave. Et d'ailleurs, pour en revenir à l'Asie, parce que j'ai voyagé sur ce continent-là. Ouais. Non, mais c'est un des meilleurs pays où j'ai mangé. Il y a tout de toute façon. C'est là où on mange le mieux en Asie. Tu peux manger pour rien en plus. Donc en plus, ouais. Il y a trop de poivre dans leur plat. C'est tellement bon ce qu'ils font. Ah, j'adore. Où ça ? En Asie, partout. Ah, ouais. L'Asie, c'est là où tu manges le mieux. J'aime bien la cuisine indienne. Bon, il faut aimer manger tout et n'importe c'est quoi ça. Par contre. Hein, oui. Parce que... Moi, j'aime bien notre cuisine gastronomique française. Je suis assez oui, fan. Après. Il n'y a rien dans les assiettes, s'il te plaît. Oui. Tu ressortes à la dernière. Je veux dire, en termes de gustativement. Tu payes le truc 90 balles, genre t'as juste une clémentine. La gastronomique, c'est. Moi, je peux pas donner d'exemple, mais. Comment dire ? C'est de la cuisine où tu peux manger en quantité, on va dire, voilà. Pas spécialement, mais où que c'est vachement bon, bien cuisiné, il y a le respect de chaque ingrédient. Alors nous, en France, on aime bien cuisiner des trucs ensemble, Pour ouais. qu'il y ait un mélange de, mmh. on a, en osmose, on appelle ça. Ouais. Donc, genre par exemple, tu cuis dans ton bouillon des trucs et ça va donner le goût à d'autres trucs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ça passe quoi, le goût il se. Ouais. Voilà, il se transmet. Mmh. Donc il y en a un qui prend. Enfin, l'ingrédient prend le goût de l'autre et ainsi de suite. Nous on aime bien ça en France. Ouais. Moi je suis pas très fan de ça. J'aime bien les ingrédients tels quels, genre de. Nature. Pas nature, mais grosso modo, ou que chaque truc est séparé. Et à son goût personnel quoi. Exactement. D'accord. Et en gastronomie, généralement, en haute gastronomie assez pointue, ils vont mettre plusieurs trucs dans l'assiette, ouais. mais séparés. Donc c'est ça, ça tue pas tu le goût quoi. Exactement, fois. Moi ouais. c'est ça que j'aime bien. Qui respecte chaque aliment ouais. quoi. Ouais. D'accord. Que chaque légume ait son protocole en fait ou viande. C'est ça que je j'aime pas chez la cuisine orientale pour le coup ou que eux le. T'as le goût concept... épicé. Et bah, ils, les mélangent ouais. enfin, ils mélangent tout quasiment. Enfin ils mélangent tout. Tout est cuit dans la même gamelle quoi. Voilà ouais. c'est ça. Ouais. Par exemple on peut prendre la paella. Mmh. Eux ils vont cuire tout dans le même plat. Nous en France si on veut faire un truc revisité on va cuire tout séparément et les poser on va dire dans l'assiette. Séparément. Ouais. C'est à la française, ça donnerait ça la paella, mmh. en vrai. On s'adapterait à la style France. Mais bon, on va arrêter de parler de bouffe. Hein. Bon, on va avoir faim. En même temps, c'est j'ai sujet. Qu'un bout de clémentine là. Ah, très on est parti d'un manga pour parler de la bouffe. Oui, mais en même ce temps, manga, c'est le sujet. Hein. Ce manga, c'est de la nourriture. Hein. C'est pour ça que j'en parle à Noël, parce que à Noël, évidemment. Il est bienvenu là. Ah bah oui. Forcément, je trouve qu'il s'adapte parfaitement à Noël. On mange comme des. Par contre, comme nous, des. Ouais, parce que on abuse, le gras, c'est la vie. Le gras, c'est ça, la vie. Ça, c'est vrai, ça. Il nous le faudrait en ouais. bouton, celui-là. Et le sucre aussi. C'est ça. On mange, alors, mais par contre, on mange, mais on n'a pas d'orgasme, nous, par contre. Oui, parce qu'il y a aussi cet aspect-là dans le manga. Là. À chaque fois c'est qu'ils font des concours. Barré. Mais je vais revenir d'abord sur le synopsis. On va ouais. continuer le synopsis. Alors voilà, il veut dépasser son père. Il est dans le restaurant familial, ils sont deux. Mais son père, comment dire, il va partir. Il va décider de partir. Il y a un vieil ami à lui qui l'a appelé. Il a fait beaucoup de voyages dans le monde avant en tant que cuistot. Et là, il y a un de ses potes qui l'appelle pour dire viens cuisiner avec moi et tout. Donc, il va travailler dans un truc de luxe en Amérique, je crois. Et du coup, son fils, bah, il se retrouve le restaurant ferme. Il est pas content. Il voulait le reprendre. C'était son rêve de devenir chef cuisinier. Et ben, son père va décider d'inscrire dans une école de cuisine. Une école assez. Comment dire. Ou qui forme ouais. l'élite culinaire du monde. Ouais, très prestigieuse. Mmh. Ou qu'il y a seulement 10% des élèves qui ont leur diplôme. À la fin de l'année. Donc ça fait pas beaucoup. Ouais, encore, c'était bon 10, quoi. 10%, je trouve que c'est assez gros. Ouais. Hein. Et lui, il est pas forcément pour. Et il se dit, ouais, si c'est pour apprendre des trucs avec des gens qui ont jamais cuisiné. Parce que justement, il y a ça, cet aspect-là. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le domaine de la cuisine sans rien connaître et qui, au final. Ça passe moyen. Ils ont jamais cuisiné de leur vie, c'est compliqué. Mm. Je dis pas que si on n'est pas motivé, on peut pas y arriver, mais. Mais ceux c'est qui sont... une vraie idée que tu racontes là, c'est un vrai truc. Oui, là pour le coup, oui. C'est une vraie action, c'est actuel quoi. Un minimum ouais. d'expérience. Bah, faut s'entraîner en fait. Mais il y a pas que dans la cuisine, il y a dans tous les métiers. Dans beaucoup de métiers, ouais. voilà. Ouais, mais tu peux pas passer l'étape de l'entraînement, de. Voilà. Il y a pas d'étape que tu peux pas louper dans. C'est bien beau d'en avoir plein la tête, mais après il faut pouvoir agir sur le terrain. Et Soma, tu es un très bon chef cuisinier. Bah, vu qu'il a travaillé depuis qu'il est tout petit dans son restaurant, il a forcément des talents innés comparés aux autres. Bah ouais. Que ils ont commencé plus tard. Voilà. Et donc voilà, il se dit ça sert peut-être à rien d'aller dans une école. Et ben il va y aller et au final il va même pas être pris. Ah mince. Dès le début, en fait personne va être pris. Tous ceux qui sont à l'examen d'entrée, ils vont se faire direct. Ouais non, vous pouvez partir. Parce qu'en fait, leur examinatrice, ça va être une fille qui s'appelle, je cherche son nom. Irina, je sais qu'elle s'appelle Irina. Irina, je sais plus où. Voilà, Irina quelque part. C'est sur ma feuille, mais bon. Irina quelqu'un, quoi. Voilà. Nakiri, voilà, c'est moi. D'accord. Et comment dire, cette fille-là, c'est l'une... Dans le monde entier, elle est connue parce qu'elle a ce qu'on appelle le palais divin. Ah. Ouais, elle adore le fromage, alors. Sans doute. Ça dépend lequel. Il y a une blague, là. Nakiri, oui. Nakiri. D'accord. J'ai vu la lumière. Voilà. c'est le seul bruitage qui est. Si on a le feu de cheminée, mais. Petite promo. C'est un petit scratch. Avec Clément. Oui, voilà, j'ai vu de la lumière. Des bisous. Mais non, on ferme pas tout de suite. On continue. Ah ouais. Cette fille-là, elle a ce qu'on appelle un palais divin. Donc ça veut dire, en gros, son goût est très développé. Elle a un palais monstrueux. Elle peut détecter n'importe quoi dans n'importe quel plat. Les plus grands chefs viennent la voir pour lui demander si c'est bon ou pas, si ça va marcher leur plat ou pas. Donc en gros, ça existe ça en vrai ou... En vrai, ça on peut pas dire palais divin, mais il y a des écouteurs ou genre de trucs. D'accord. Qui doivent avoir un sacré palais quand même. Même à l'odorat, ils peuvent te dire si c'est pas cuit ou ce genre de... Comme par exemple dans l'aile ou la cuisse, c'est un peu abusé quand ils reconnaissent le vin juste en. Mais il doit y avoir des gens, alors pas en regardant, mais en goûtant, ils peuvent deviner n'importe quoi, quoi, grosso modo. C'est enfin, n'importe quel vin de n'importe quelle région de France. Ils peuvent. Ah, c'est ouf. Ouais. Ouais, et en termes culinaires, ils font ça toute leur vie. Quoi. C'est un entraînement, c'est tout, je pense. C'est ça. Bah, c'est... Mais il faut avoir aussi un palais, quand même. Oui. Je pense qu'il n'y a pas que de l'entraînement, ça, c'est... Après, t'as le don, t'as génétique don, aussi. Ouais. T'as le don qui va avec aussi. Hein. Mm-hmm. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes langues, pas le même palais. On n'a pas tous mangé la même chose. Non, pardon. Mais si, c'est bien. Et... Si. Astérix. Ah ouais. Astérix et... Pas de pierre. Astérix, pas de construction. Pas de construction. Pas de palais. Pas de palais. Pas de on palais. Est grave. Bah, oui, non, mais c'est, on fait beaucoup de références à Astérix. Ah, j'adore, c'est mon film. Ah, référence. Ah, mais carrément. Cléopâtre. Hein. Ouais, Mission Cléopâtre. Mais c'est notre film à toute la famille. On l'a regardé 50 millions de fois. D'accord. Soit. Ouais, trop bien. Ouais, il est bien quand même, ça se regarde bien en famille. Bah, pour les fêtes, par exemple. Ben, on va se le faire, certainement. Voilà. Certainement. Alors, il va finalement être refusé à l'école, parce que cette fille-là, en fait, pour elle, c'est tous des nuls, Jartek. En fait, elle a refusé dès le début, sans spécialement trop goûter. En fait, le plat qu'il a fait, elle l'a aimé. D'accord. Mais justement, elle voulait pas avouer qu'elle l'a aimé. Parce qu'elle considère que c'est pas un chef cuisinier de renom, donc non, c'est pas possible qu'il fasse quelque chose. Ouais. Il a un comportement, comment dire... Oui, aussi assez... Ah, il vient d'un restaurant traditionnel, alors il est pas spécialement respectueux. Il la connaissait pas déjà. Comment on pourrait l'appeler ? Il est prétentieux. Ouais. Ah non, il est pas prétentieux. Prétentieux, mais non. Il est simple. Simple. Il fait son plat, il sait ce qu'il fait, il est sûr de lui. Il est sûr, ouais. C'est pas de la prétention, non, c'est pas la prétention. Non, je me suis peut-être pas exprimé, mais c'est merde. Voilà, et elle a pas aimé ce genre de comportement. D'accord. Mais pourtant, elle a aimé son plat. C'est c'était beau, des œufs un peu spéciaux. Je sais même pas dire comment c'est. Mais je pourrais pas l'expliquer. Poché. Non, c'est des œufs pas en perles mais un peu frits. Enfin, je sais moléculaire plus. Cuisine moléculaire. Non, mais il y a une fille qui cuisine. Il y a plein de styles de cuisine. Ah ouais, d'accord. Il y a une fille qui cuisine à la cuisine moléculaire. Bon. Il y a de tout, vraiment. Il y a de tout. Il y a de tout. Je conçois. Du coup, il va quand même recevoir une lettre comme quoi il a admis. C'est le grand-père de la fille parce que. Elle, c'est la petite fille du directeur de l'école. D'accord. Lui, il l'a vu en scred, il a regardé. Il s'est dit, ouais, bon, elle a peut-être un peu merdé. S'il a l'air bien quand même, celui-là, allez, vas-y. Mais c'est le seul qui a été admis cette année, du coup. Ah ouais ? Ouais. C'est... Étrange. Ouais. Donc il se retrouve avec d'autres gens, et puis voilà. Il va se faire des amis là-bas, des amis cuisiniers, évidemment. Ils sont tous cuisiniers d'une manière ou d'une autre. Ils ont tous plus ou moins leur spécialité. Surtout dans le manga, il y en a un, c'est spécialité du fumage, l'autre, c'est spécialité de la fermentation, ce genre de trucs. Ils vont tous avoir une spécialité, c'est assez sympa. Il y en a une qui est une spécialité de la viande. Oui, il y a une spéciale, genre, on va dire américaine. Plein de viande du boucher. On apprend des classifications de viande, même la viande A5, genre mais c'est la viande légendaire. Précis et tout. Là. Ouais, wow. ça paraît pas. Enfin, c'est vachement bien quand même. Il n'y a pas d'incohérence en soi. Tu te marres, mais tu t'instruis en même temps. Ouais. Tu vas te marrer surtout quand les juges vont goûter les plats. Ah ouais, c'est mais tellement. Pourquoi ils donnent des infos ? Il va y avoir des concours. Ouais. Des concours où ils vont tous se battre entre eux pour. Enfin, ils vont cuisiner leur plat, ils vont le faire goûter. Et en fait, les juges, à chaque fois qu'il y a un plat qui goûte, c'est genre. Ils vont être à poil et genre. Ah, oh, c'est l'extase. C'est. Comment dire l'orgasme sexuel, on va dire, mais culinaire. Waouh, d'accord. Okay. C'est très exagéré. Et ça donne du what the fuck au manga. Complètement barré. Hein. Ouais. Mais donc les dessins ils doivent être drôles et tout. Oui, ça met en situation. On voit rien évidemment. C'est un peu malaisant. Mais... Non, mais c'est drôle quoi. Ouais. C'est genre, oh mon dieu, je jouais ouf. D'accord, ok, il a fond quoi. Ouais, d'accord. Je t'avoue que le premier épisode, j'étais un peu surpris hein, quand même. Tu t'attendais pas à ça en fait. Non. Ouais. Mais c'est drôle après. Tu t'y fais après. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait partie du truc quoi. Tu sais, à chaque fois. Puis il donne des. Comment dire Des impressions sur le plat, ils vont dire des trucs, ils vont essayer d'expliquer le plat, ils vont expliquer toujours le plat, c'est fun. C'est détaillé, c'est fun. Tout le temps. Ouais. Voilà. Et comment t'en es venu à lire ça du coup ? C'est la bouffe justement qui t'a attiré quand Alors, t'as vu le manga ? Si je vous dis comment j'ai fait pour le regarder, je sais pas si vous allez me croire. J'ai fait une soirée karaoké. Ah non, là déjà je te crois pas. Ouais, voilà. Bah c'est mort. Je m'en doutais. Ouais. J'ai fait une soirée karaoké avec Inès, je sais pas si vous connaissez Inès. Togan, tu la connais un peu ? Oui. Pour les autres. Oui, voilà. Ouais. Et en fait, elle était présente et il y avait une autre amie qui s'appelle Solène, qui fait partie du Zva. j'ai du karaoké, ils ont mis des musiques de manga. Alors moi, tout de suite, toi, t'étais enfin, à fond. Forcément. Ils ont mis plein de musiques de manga que je connaissais même pas. Du coup, je me suis dit, c'est bien ça, cet opening. Du coup, faut que je regarde le manga. Je regarde le manga, elle me dit, au fait, ce manga-là, il est cool. Hein. Ah, je sais pas, je l'ai pas vu, je regarde juste l'opening. What? Food Wars, c'est la même chose. La déception. Mais ouais, totalement. Elle regarde plein d'openings, mais elle regarde pas les mangas. Enfin, elle écoute plein d'openings. Ça sert un peu à rien, non? Bah ouais. Ouais, totalement. Puis je crois aussi que tu m'avais dit de le regarder Food Wars. Hein? Si je me rappelle bien, tu m'as dit de le regarder Food Wars. Ça veut dire. À moins que c'est l'inverse où je sais. Si, c'est moi qui. Enfin, ouais. C'est toi qui t'en avais parlé, puis c'est mon petit frère qui a conseillé de le. Voilà, de le regarder. Surtout s'il est gros fan. Voilà. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait pour regarder ce manga. Écoute, on va aller voir. Et franchement. Dis-le. Vous allez kiffer je même. Je te dirai. Vous allez rigoler, en vrai, je pense. On t'en dira des nouvelles. Puis les dessins, les expressions. En fait, moi, je me ressens dans une personnalité. D'ailleurs, c'est marrant, c'est une fille. Tu sais, la nana qui a les cheveux bleus, qui est tout le temps stressée, là. Ah oui, il y a une fille, elle a des compétences, mais vu qu'elle stresse tout le temps et tout ça, elle met pas ses compétences en avant et elle galère. D'accord. Je me retrouve un peu dans. C'est une situation qui est assez commune, j'ai l'impression, ça. Je me retrouve un peu dans sa personnalité. Ah, d'accord. Je fais, mais c'est bizarre, je réagis comme ça. Voilà. Ouais, ouais. C'est rigolo. C'est aussi faisable de se retrouver dans les persos. C'est pas bête. Après, tu ressens. Enfin, c'est de l'animé, mais tu peux t'adapter ton style de cuisine à un personnage en fait. Tu ressens la pression qu'ils ont aussi dans l'animé quand même. Ah ouais, quand même. C'est tellement. D'accord. Ouais. Moi, j'ai pas encore identifié. Sans exagérer, mais tu sens. Ah oui. Tu sens qu'il y a de la pression. Tu sens qu'ils doivent réussir quelque chose. Genre, il y a un moment, il a défié un grand chef, un ancien élève de l'école qui, du coup, a eu son diplôme. Ils sont moins de 10 à avoir leur diplôme à chaque fois, chaque année. Et il l'a défié parce qu'il est plus élève, hein, il a des grands restaurants, notamment à Paris. Et il l'a défié parce que justement sa copine allait se faire virer. D'accord. Parce que, alors cette école, c'est. En fait, quand il y en a que 10 qui ont leur diplôme, en fait, c'est pas que 10 sur 200, on va dire. C'est 10 parce qu'ils sont les 10 à être restés. D'accord. Tous les autres sont partis. Ah, c'est ça l'idée. Ouais. D'accord. Ils partent au fur et à mesure. Ils tiennent pas, ouais. Ouais, voilà. D'accord. Bah, non, il est vire. Ah, il est vire direct. À chaque épreuve, ça vire en fait. C'est, voilà. Ah oui, c'est nada. Et du coup, ça, la fille aux cheveux bleus, c'est une de ses meilleures amies, je crois qu'ils vont sortir ensemble. J'ai l'impression. D'accord. Moi aussi, donc il y a une histoire d'amour aussi. Bah, peut-être. Oui, c'est possible qu'il y ait une histoire d'amour. C'est pas juste de la bouffe, ta bouffe tout le long. C'est pas juste de la bouffe. Ils apprennent aussi le jardinage, ils apprennent aussi comment sélectionner des ingrédients. C'est varié ce truc, c'est comment dingue. Les chasser. C'est très complet comme manga. D'accord. De cuisine. Ils vont chasser aussi. Pendant une épreuve, ils vont devoir aller. Ils vont être obligés d'aller chasser en fait eux-mêmes leurs ingrédients. Ils vont avoir une zone délimitée et ils vont trouver tous les ingrédients disponibles dans cette zone. Donc il y a en train de me dire qu'ils chassent la carotte, ils chassent. Oui. Non, je déconne. Ouais, mais aussi du poisson et tout ça. Je déconne. Ouais, ok, bah c'est bien. C'est varié. Franchement, ça peut plaire à plein de monde en fait. Exactement. Y a pas à chier. Tout le monde peut regarder ça, tout le monde peut aimer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était sympa. C'est sympa. On va écouter Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le manga Blue Dragon. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur. Trois fois qu'il va te faire engueuler. Oui. Ça fait trois fois que tu nommes Blue Dragon, franchement. Merde. Tu peux pas mettre un autre ? Tu veux qu'on fasse la chorale sinon on repart ? Non, c'est bon. D'accord. On va laisser. Mais tu nous en mets un autre là. Oui, sinon, tu manges dehors. Ah, je mange dehors. Ok. Ouais, parce que j'ai fait des crêpes. Et on a une bûche aussi à manger. Une bûche aussi. Allez, je vous remets un jingle pour faire plaisir à Daddy. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le film Les Visiteurs en Amérique. Jusqu'à 23h. Tu peux le couper. À l'honneur avec. Voilà. Tu pouvais juste laisser. Les visiteurs, j'aime bien aussi, c'est cool. Ouais, ouais, là on les clash. Pas le remake. Ouais, là on les clash. Pas en Amérique. Ah ouais. En Amérique, Peck Avenger, c'est mieux que Les Visiteurs. Ouais, mais j'aime bien quand même. Ah. T'as aimé le remake Peck Avenger. Hein? T'as aimé le remake des Visiteurs? Non, le tout premier, je parle moi. Ouais, voilà, mais là c'est en Amérique. Là, c'est pour ça qu'on clash. C'est comme si on clashait. C'est nul, non? C'est nul le dernier. C'est comme si on clashait le Death Note aux États-Unis, quoi. C'est pareil. Non, mais c'est souvent nul les suivants. C'est toujours le premier qui assure et après. Ah, ça dépend. À part pour Toy Story. Oui. Ah! Pas faux. Ma foi. Pas faux. C'est ton tour, Galen. Il est un peu plus de 22h, mais c'est ton tour quand même. Oui. Et si je me trompe pas, on va parler d'avion, de tour. On va parler de luge, de neige et de migale. Waouh, trop bien. Ah bah, je me suis trompé. Qu'est-ce que c'est le rapport? Eh ben, on va parler de Maman, j'ai raté l'avion. Ah bah si, il y a un avion. Ah, ça c'est un film. Oui, il y a un avion. Ouais, je voulais faire un avion, luge, des tours. De la neige et une migale. D'accord. Pourquoi une migale? Bah parce qu'il y a du gars. Pourquoi de la neige? Bah parce que c'est la période de la neige, vous êtes mignons quoi là. Oh là là, mais qu'est-ce que... Tu vas nous expliquer le film. Je te le prévois, je te le prévois. Tellement bien. Il y a une mygale dans le film, tout au long du film qui se balade dans la maison. Voilà. Alors maman, j'ai raté l'avion. C'est bah ouais, c'est un film qui est sorti en 90. C'est très très Il y a Chris Columbus qui a la réalisation, donc qui a fait Madame Doubtfire ou le premier Harry Potter. Ah ouais, badass le mec. Et au scénario, on a John Hughes qui est un grand qui a écrit et réalisé Breakfast Club ou encore La folle journée de Ferris Bueller, dont j'ai déjà parlé. Oui. Et c'est produit par la Fox. Ouais. Donc en premier rôle, on a Macaulay Culkin qui incarne notre personnage principal qui est Kevin McAllister. On a nos deux cambrioleurs, Joe Pesci, qui incarne Harry, et Daniel Stern, qui fait Marvin. Et ensemble, ils forment les Casseurs-Flotteurs. Donc c'est là d'où vient le nom, par exemple, du groupe... Bah ouais, j'y ai pensé direct. Tu vois. C'est bah ouais, pareil. Ça vient c'est la référence. Ah oui. D'accord. Ah, excellent. Ouais. Une fois, d'ailleurs... Pas de copyright. Non, mais non, parce que ça s'écrit différemment. D'accord. Et une fois, Aurel et Gringe ont croisé Macaulay Culkin. Ils auraient voulu prendre une photo avec lui, mais malheureusement, non. Ah, dommage. C'est dommage. Ensuite, pour jouer la mère de Kevin, on a Catherine O'Hara qui fait Kate McAllister et John Hurd à ses côtés pour faire Peter McAllister qui, lui, au début, ne croyait pas du tout en l'avenir du film. Ah bon ? Ah, il ne croyait pas du tout. Hein. D'ailleurs, il s'est excusé auprès de John Hughes après. Alors, pour le coup. Dans la précipitation de leur départ pour la France, les McAllister oublient à la maison leur fils, Kevin, 9 ans. Tout à fait possible. Ils s'en avisent au moment où leur avion décolle pour Paris, où ils ont décidé de passer Noël. Kevin est contraint de se débrouiller seul en attendant le retour des siens. Il compte profiter de ses vacances improvisées pour satisfaire tous ses désirs et toutes ses envies. Il remarque rapidement que deux cambrioleurs pas très futés surveillent sa maison. Une première ruse vite éventée lui permet de gagner du temps. Peu après, le tandem s'introduit dans la maison. Et c'est là que les ennuis commencent. Et aussi pour les deux malfrats. Ouais, déjà, surtout. Et puis, on va bien rigoler quoi à ce moment-là. Ouais. Il en met des pièges partout. Voilà, des pièges, des petites voitures. Je te le ferai voir, Léa, il est excellent. Ouais. Ah, tu l'as pas encore vu ? Non, mais non, ah, mais tu vas adorer. Une... Ouais. Non. Voilà. Ah, en sixième. Oui, non, mais je veux dire, elle a peut-être pas tout. Elle tout est née en 2008, ce si tu veux. S'il donc, vous plaît, 2008. Je suis jeune. Oui, on le sait, mais tu le verras. Ah oui, je non, te mais voir. Quand tu vas le voir, tu vas. Tu vas rigoler. Mort de rire. Ah oui. Bien comme il faut. J'ai plié en deux. Tellement je verrai. Écoute, il va t'expliquer. Non, là j'ai. T'as quoi, t'as des histoires, t'as... Non, bah des j'ai quelques. Ouais, des anecdotes, des choses qu'on ne sait pas toujours sur le film. Par exemple, la première, Noël, regardez, la première, c'est que l'idée de Maman, j'ai raté l'avion est apparue quand John Hughes a écrit L'Oncle Buck. Et il a tourné L'Oncle Buck, pardon. Plus précisément, lors de la scène où le précoce Macaulay Culkin interroge une gardienne potentielle à travers la fente à lettres. Dans une scène similaire de Maman, j'ai raté l'avion, Culkin a une confrontation hilarante avec Daniel Stern à travers la porte de chien. Oh. Ouais. Il lui tire avec sa carabine. Ça fait beaucoup d'infos. Voilà. Et on le regardera. C'est normal, Buck, c'est un expert. Qui est sorti en 88, tu retrouves Macaulay Culkin. D'accord, bah tu vois, je savais pas. Qui a à peu près le même rôle, quoi. D'accord. Sauf que c'est John Candy qui... On retrouve aussi John Candy dans Maman, j'ai raté l'avion. Mais il a un rôle moins important. D'accord. Alors ensuite, pour être sûr que le petit Macaulay Culkin ait l'air effrayé dans les scènes tournées aux côtés de Joe Pesci, le Harry, le voleur, celui-ci n'a pas hésité à le fuir pendant toute la durée du tournage, lui faisant croire qu'il ne l'aimait pas. Ah, c'était la technique. Ouais. D'accord. Ah, le salaud. Ouais, mais il est ça fort, marche Joe bien. Pesci. Ouais. Apparemment, enfin... oui, parce que Macaulay, il en avait peur. Bah, pour le coup, oui. Mais ouais. Tant mieux. Enfin. C'est horrible. Ensuite, les années passent, mais les bonnes habitudes restent. Lorsqu'il arrive à Macaulay Culkin de croiser celle qui incarne sa mère à l'écran, c'est-à-dire Catherine O'Hara, et il continue de l'appeler Mom. Ouais, maman. Maman. Ah ouais, c'est... Il dit pas j'ai raté l'avion. Non, il dit non, bah. Ça pourrait être drôle. Mais parce qu'elle est pas dans l'avion. Oui. Voilà. Mais ouais, du coup, c'est cool. Et alors, dans ce film, on a une flopée d'enfants en tout début. Et enfin, acteur qui compose la famille McAllister, et il y a le petit frère de Macaulay à ses côtés qui s'appelle Kieran Culkin, qui joue celui de Fuller, le cousin qui fait pipi au lit. Oui, ouais. On rappelle. Je vois bien sa tête où il boit du Pepsi, et voilà, tu sais quoi. Oui. Tu sais que s'il va dormir avec lui, bah, il pisse au lit. Bah oui, forcément. On a tous un cousin comme ça. Voilà. Il y a aussi la dernière scène, en répétant la scène où les voleurs pendre Kevin sur la porte de l'armoire, Joe Pesci a accidentellement, on sait pas, mordu Macaulay Culkin. Ah. Et il dit il a ouvert mon doigt, j'avais 9 ans et il m'a mordu. J'ai toujours une cicatrice. Ah, putain. Bah, il est marqué. Et ouais, voilà, il est encore traumatisé. Et ça a été filmé, ça, du coup ouais. Certainement, bah, c'est dans les boîtes. C'est, ouais. C'est dans d'autres rushs, à mon avis. Ouais, parce que c'est pas passé dans le film. C'est dommage. Non, c'était une répète. C'est vrai. Voilà. C'est dommage. Et dernièrement, bah, Macaulay Culkin, il a refait quelques scènes du film étant adulte pour une publicité. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Non. Sorti l'année dernière. Non, mais voilà, il est. Et ça a donné quoi? Bah, c'est génial. En fait, c'est une pub pour Home Google. Ouais. Mm-hmm. Et il rejoue certaines scènes où il mange de la glace devant un film de gangster. Ouais. Ah, merci, Jolan. La musique de. Ça fait très Noël pour le coup. Voilà, ouais. Je me sens bête, j'ai oublié le nom. Du coup, c'est John Williams. Moi, j'ai connu pas. Tu connais pas Star Wars? Bah, si. La musique de Star Wars, bah voilà, c'est John Williams. Les dents de la mer. Ah, c'est le... okay. Ouais. Ça change de style quand même. Voilà, et sinon, on peut retrouver les coulisses du film et Chris Columbus qui a été interviewé sur Netflix. Il y a une émission qui s'appelle The Movies That Made Us. Et on suit l'histoire du film en fait. C'est sympa, quoi. Ah, et c'est super sympa. On voit plusieurs membres et on voit aussi Daniel Stern, le seul acteur du film. Pour voir tout ça, il faut avoir Netflix, bien sûr. Oui. Là, tu parles du 1 du coup, mais il y a eu Maman, j'ai raté. J'ai encore raté la lune. La lune qui est sortie en 92. Ouais. Et ça voilà. A aussi bien marché ou pas? Oui. Alors, il faut savoir que le film, il est resté un an au cinéma. C'est énorme. Oh la vache. Tellement ça a marché. Mais ouais, et entre temps, 90, il y a Les Affranchis qui sortent. Hein. Ah oui, donc, vous voyez le niveau. Et Joe Pesci joue dans les deux. Oula. Ah bah lui, il a fait tout. Joe Pesci. Il était overbooké. C'était son année, quoi. C'est surtout Scorsese, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Ah, il a fait. Il a battu tous les records. Donc je pense. Mais il me semble aussi que Maman, j'ai encore raté l'avion a bien marché. Voilà, où cette fois-ci, Kevin prend l'avion, mais prend pas le bon avion. C'est ballot. Et il part à New York. Voilà. Et il se retrouve en prison, je crois, à un moment, en prison pour jeunes délinquants. Hein? Il se retrouve pas en prison pour jeune délinquant parce qu'il a essayé de rentrer dans la Maison Blanche ou je sais pas quoi. Hein? Ah non, c'est pas un autre film, ça? Non, tu confonds là. Ouais. C'est pas le truc du président là? Ouais, je pense. Je ramène le chien du président ou un truc du genre. Attends, mais c'est pas grave. Et anecdote aussi, on voit Donald Trump hein, dans le. Hein? Non. Dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Sérieux? Ouais, il indique à Kevin la direction de l'accueil de l'hôtel. La blague. Mais on le voit 3 secondes. Hein. C'est pas ses meilleurs moments en ce moment, monsieur Donald Trump. Non. Oh, t'es pas obligé de dire monsieur, hein, c'est PK Avengers, c'est irrespect total. C'est vrai, irrespect. On clash beaucoup. Donald Trump. Ouais, enfin ouais, bref. D'accord, donc il faisait du cinéma ce mec-là. Bah, il a fait de la beaucoup de télé. Enfin, c'est pas du cinéma ça. C'est pas vraiment un politicien dans l'âme. Il a parlé 3 secondes, hein, c'est pas du cinéma. Ouais, donc c'est plutôt de la figuration, on a envie de dire. C'est une silhouette. D'accord, ah ouais, carrément. Un élément de décor. Ouais. Bah, une silhouette, ça. Il est en fond, c'est. Ouais, ça a un dialogue. Une silhouette, ouais, c'est encore mieux, il parle même pas normalement. Ah, une silhouette, ça a une réplique. Ouais. Ah bon un figurant, ça a pas de réplique. Ah ouais. Ça a pas de réplique, un figurant? Non. Non. Ah, non. Non, c'est ceux qui marchent dans la rue, par exemple. Voilà. Les figurants. Faible et Big Up à John encore, qui a joué une silhouette, du coup, dans Lazy Company, que je vous invite à regarder. D'accord. Linda. Parce que j'ai invité tout le monde déjà à regarder, je crois. C'est génial ce truc. Non, on est bien dans l'esprit de Noël avec ta musique là. Bah oui, c'est la musique du film. J'adore. C'est le but d'une spéciale. Ouais. Noël. Voilà. J'irai dormir à la quasi. Très très bon film à regarder en famille et pour les périodes de Noël. Et si on n'a pas de famille? Oh. Mais tu dis ça, mais je crois qu'il le repasse régulièrement. Hein, ah, mais il le passe c'est sûr. À chaque année jours, même. Mais moi j'en peux plus. C'est sûr que je vais pas le regarder. Tu satures là? Ouais, je sature. Je l'ai vu 5 fois les dernières. Ah oui, quand même. Faut faire autre chose, tu trouves autre chose? Ouais. La Grande Vadrouille? Ah, oui, ça aussi c'est trop passé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait parlé. Je crois que c'est toi, Gaël, je suis pas sûr. Qu'il y a quelqu'un qui va regarder tous les Noëls un film. Oui, le même. Moi, ouais. Ouais. C'est quand j'ai parlé de The Family Man. Voilà. Ouais. J'ai vu le. Maman, j'ai raté. Non, celui-là, je commence un peu à. Là, c'est vrai qu'il est très culte, tout ça. Ouais, mais au bout d'un moment. Au bout d'un moment, j'ai envie de voir autre chose. Et puis... Vous avez des films cultes, vous, chacun là? Moi, film culte. Bah, il y a le Grinch. Bah, ouais, le Grinch, ouais. Ouais, forcément. Tu connais pas le Grinch non plus, il faudrait que je te fasse voir. Love Actually. Il me semble qu'il y a un dessin animé de Maman, j'ai raté l'avion. Ah, il y a un dessin animé? Oui, il y a un format. Ah ouais? Il me semble. Ah ouais, d'accord. Bah, tu vois. Avec des petits animaux, il me semble. Faudra qu'on regarde. Je l'ai vu dans un magazine. Antoine, Jolan, réfléchissez à faire quelque chose. Surtout toi, Antoine, parce que t'as l'air déconnecté. J'en ai plein, moi. Ah, que tu regardes régulièrement? Ouais, Jurassic Park, je regarde souvent. C'est vrai? Ouais. Ah, d'accord. Il y a un film que je regardais souvent aussi quand j'étais petit qui m'a fait pleurer. C'était Gideon. Ah, je connais pas. C'était avec Christophe Lambert. D'accord. En gros, il joue. Je crois que c'est un acteur, lui. Je crois que je vais en parler dans un prochain. Bah, regarde-le, tu nous raconteras. Ouais. Parce que franchement, c'est un film qui m'a fait pleurer. Et toi, Jolan, tu. Mais pense au foutu moderne. D'accord. J'étais en train de réfléchir à un film qui m'a marqué. Ouais, c'est plus dans le domaine Marvel. C'est vrai que tous les films Marvel, je suis un gros fanatique. C'est vrai. C'est le Géant de Fer, je sais pas si ça vous parle. Ah bah, de nom, ça me dit quelque chose. Ouais. Je devais le présenter le pour Harry Potter. Mais celui-là, il m'a tellement fait. Enfin, je l'ai tellement revu. Bah, je sais pas. Ouais. Ouais. Ouais. Si je peux placer le Géant de Fer pendant Harry Potter. Bah, je pense, oui, tu peux parler. Mais c'est un lien ou pas ? Non, pas tellement, mais c'est super comme. Mais c'est vrai qu'il est culte, ouais. Ce film. Ouais, ce nom me dit quelque chose. Il est pas très connu. Il est vieux, hein, je crois. Là, il de toute manière, avec le nombre d'intervenants qu'on aura, forcément. Il y aura forcément des gens pour parler de Matthew. C'est 99. Ah ouais, vous regardez des films qui datent. T'as la voix de Vin Diesel. Guélan est obligé pour son. Oui, il est obligé, ouais. Et puis même, il est passionné. Parce que j'ai décidé de. T'es passionné aussi, voilà, t'es un passionné. Mais c'est un film qui m'a beaucoup ému quand j'étais petit. D'ailleurs, toi qui es passionné de films et tout, tu dirais que maintenant ce qu'il y a c'est mieux ou tu préférais avant ou... Bah, je préfère avant parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de remakes. Ouais, c'est ça. J'ai du mal à trouver un film où il y a une idée nouveau, originale. Nouveau quoi, ouais. En copie. Là maintenant, ouais. Bah, ils vont continuer Indiana Jones, ils refont un Ghostbuster. Ils reprennent les vieux trucs. Genre de l'abondance de Ghostbusters. Bah, moi j'étais très déçu de voir la bande-annonce. Hein. C'est vrai, une version fille, une version enfant. Non, là c'est teen movie quoi. Ouais, voilà. C'est gâché quoi. Bah oui. Oh. Ça, t'as fait voir. C'est juste une usine à fric là maintenant. Bah ouais. Mais ils savent que ça va marcher donc ils le font. Je suis pas sûr que ça va marcher. Ils souhaitent faire un reboot des Gremlins. Oh, ah non. Et un remake de Shrek. Donc c'est du grand, grand. C'est possible ça ? Ah ouais, ouais. Non, tu moi, peux je pas. Je pensais qu'ils allaient faire un cinquième, mais non. Ouais. À mon avis, ils reprennent l'histoire et. Ils vont faire l'histoire de Alan, ça se trouve. Je sais pas du tout. Ouais, bah comme ils font d'habitude, ils font des trucs. Ça serait à côté, plus intéressant quand même l'histoire de Alan. Ouais. Non, mais ils ont fait une série sur le chapeauté que j'ai pas aimé du tout. Ah ouais, par contre, à chier. C'est un peu bizarre. Hein. Ouais. Les Gremlins, j'espère que ça me donnait bien. Ah ouais. Parce que j'adore ça. Mais moi aussi. C'est un film culte, ça aussi. C'est pareil. Je rigole, surtout le 2. Le 2, j'ai adoré. C'est violent des fois, par contre. Je préfère le premier. Ouais, il y a des moments un peu. Ouais. Ah, le 2, quand il y a le Green Lumps qui parle. Au départ, ça devait être bien plus violent que ça. C'est mais vrai comme Spielberg a repris le projet, bah, évidemment, il l'a adapté. C'est marrant, j'adore leur rire, ils me font mal. C'est tout public après, il faut mieux. Ah oui. Mais ça ressemble à peu près à quoi leur rire ? J'ai jamais vu les. Je pourrais pas l'imiter parce que. Faudra que je te le fasse voir celui-là aussi. T'en as des choses à voir. T'as plein de bons films à voir là. Pour les vacances. T'as pas assez d'une vie, je crois. Non. Ça fait pas trop peur ? Ouais, les Gremlins, quand j'étais petite, je me rappelle. Moi, j'en avais un peu peur, mais au début, ouais. Mais finalement, après, tu rigoles. Il y a des passages, genre, il passe au robot, ça m'avait perturbé, ça, moi, petit. Ah non, moi, j'ai rigolé, moi. C'est génial, ouais. C'était hard, quoi. Moi, étant petit, j'ai rigolé de ça. J'aime ce qui est sadique. Il y a un autre film culte qu'on peut parler, c'est E.T. quand même. Ah oui. Ça, je l'ai fait voir le début, mais on n'a pas. J'ai jamais vu. Dans ma programme. Moi, je suis pas spécialement fan non plus. Ah si, c'était. Bah en fait, j'ai vu ça se regarde, mais j'ai oublié. Sans voir. Ça se regarde. E.T. téléphone maison. Je crois pas. C'est le film culte par excellence. Ouais. Faut que tout le monde le voit, ce film. Mais il y en a tellement, on pourrait. Entre ça et un Marvel, tu vois, le choix est vite fait. Ah ouais, mais toi, tu parles. Parce que là, tu veux plus aller dans l'action. C'est ça. Bah pas forcément parce que j'aime pas les blockbusters américains. Hein. J'ai horreur de ça, tout ce qui est je sais pas les têtes d'affiche avec. Et pourtant c'en est un E.T. blockbuster. Bah ouais. Ouais mais c'est léger. C'est pas dans le style qu'on a aujourd'hui. Mais non. Oui voilà. Il y a moins d'effets, il y a moins de. C'est pas pareil. Enfin c'est pas pareil. C'est plus une histoire c'est gentil. Bah, on pourrait dire un Disney presque. Mais... Non. Peut-être pas quand même. Non mais... c'est gentil. C'est aussi profond mais bon c'est pas. Oui. Je dis pas qu'il y a pas de profondeur mais c'est gentil quand même. Enfin, je sais pas. Oh, tu sais, à part mes mangas et mes Marvel. Toi, t'es vachement carré dans ton truc, quoi. Tu sors pas trop du cube, quoi. C'est ça. Si, en fait, je regarde pas mal de choses. Je regarde des trucs très bizarres. J'ai regardé un truc bizarre avec Thomas. Je sais même pas le titre. Je peux même pas savoir où il y a des couleurs partout. Ça représente des émotions. C'est des gens qui se fissent entre eux. Comment ça s'appelle ? Non, non, non, vous connaissez pas. Enfin, celui de Disney, là ? Non, c'est ça, voilà. Non, ça, c'est trop simple. Non. Ça porte un nom anglais et c'est très, très compliqué. Ah, d'accord. Il m'avait fait voir la créature de l'eau, The Shape in the Water. Eh que j'ai bien aimé, tu vois, par exemple. Mais c'est des thrillers, c'est quoi ça ? C'est des trucs qui font. Gulen ? Je sais quoi. De quoi, Shape in the Water ? C'est quoi comme type de film ? Parce que là. Ça fout les boules ou quoi? Ça fait peur. Rétro-futuriste. D'accord, ok, c'est pas pour moi ça. Steampunk. C'est Space. Non, pas Steampunk. Mais en gros, c'est une femme qui tombe amoureuse d'une créature. D'accord. Aquatique. Ouais. C'est Space, hein. C'est un peu tiré qui par une les... forme humanoïde. Ouais. Mais c'est super. Ça se regarde alors, peut-être finalement. Bah, Guillermo del Toro, il fait pas. Oui, voilà, c'est ça. Il fait de la merde non plus. Alors ça se voit pas tout de suite, mais en fait je connais pas spécialement les noms de réalisateurs, ouais. Mais il y a certaines choses que je connais, que j'apprécie, et qu'en fait je me rends compte quand j'ai connu, quand je connais Gaylan et Thomas, c'est toujours les mêmes personnes en fait qui sont derrière. D'accord. Donc j'aime peut-être un style de personne, ouais, pense, comme Guillermo, ouais, del Toro, bah, il fait quand même pas mal de choses, c'est sympa. Tu connais, t'as vu l'ambiance de Pan? Non, mais j'ai vu les 12 ou les 8 salopards. Ils sont 8 ou 12, je sais plus, mais c'est un long 12. Film de 3 heures. Oh, c'est Guillermo del Toro, 3 heures. Aussi, je crois. Non, j'ai confondu. Je sais pour moi. Je sais que t'as les 8 salopards aussi de Tarantino, je crois. Ouais. Ah, c'est Tarantino. Ouais. Ah bah c'est pas la même chose. Ouais, c'est les 8 salopards, mais t'as un film qui s'appelle les 8 salopards. Mais je l'ai pas vu aussi encore, les 8 salopards. J'adore. Hellboy aussi, c'est Tarantino ou Guillermo del Toro? Guillermo del Toro. Voilà. Attends, il se ressemble un peu trop, je trouve. Ah non, c'est totalement non, différent. Non, de nom. Voilà. Guillermo del Toro, Benicio del Toro, oui, là, oui, il y a ressemblance. Effectivement. D'accord, bah... Pas grave. Au moins, je sais que je vais pas confondre celle-là. C'est Tiffany Hallward, c'est Jingle Bell. C'est une cover. Mais c'est facile, yes, de deviner Jingle Bell. Ouais. Tout le monde sait ce que c'est Jingle Bell. Jingle Bell. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo E.T. sur Atari. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avenger. Ah ben bah on en parlait il y a pas longtemps. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est bien, t'assures, Jolan. Bon, le jeu E.T. Ouais, le jeu E.T. Ouais. Regardé, hein, c'est pas terrible. Vous voyez film, vous imaginez un jeu autour de ça? Non. Bah, on peut tout faire, hein, j'ai envie de dire. Bah faut voir. Ah, tiens, en parlant de tout faire. Ouais. Tu peux tout faire, Antoine. Ouais. Tu passes sous le bureau? Non, ça je le fais pas. Par contre. Vous êtes témoin, il a dit oui, hein, qu'il pouvait tout faire. Ouais, mais ça je le fais pas, toi. Il te fait des avances, fais gaffe. Hein. Moi je démissionne. Surtout qu'il m'envoie des messages, surtout. Je préfère Guylain. Ah, avec son joli pull. C'est le pull qui fait tout. C'est ça. Ses lunettes aussi. Elles sont très assorties. Oh bah Thomas en costard. Et... Ah. Tu fais très. Un peu mafieux. Ouais, presque. J'avoue. Comment on dirait des mafieux. Wow, bah pas Thomas, mais. Ah bah là en fait c'est parce que j'avais mon manteau. Sérieux ouais. C'est la classe. Non, c'est vachement bien fait. Franchement, c'est la classe beau. À Dallas. Ah bah on était contents. Ah ouais, ça fait les Blues Brothers. Ouais, mais c'est, ah ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est les Blues Brothers. Ça tombe bien. Bravo Antoine. C'est le thème. Ouais. T'as reconnu le film que t'as présenté. Juste un petit truc. C'est des chaussures. Non, ah mais... ouais, mais bon, on peut pas. Du tout coup, ça, c'est noir. Ça fonctionne. Bravo. Mais oui, ça. Voilà. On était très contents. Tu m'étonnes. Merde. Pardon. Je pourrais presque dire que j'avais la référence vu qu'on l'a expliqué dans Peck Avenger, Blues Brothers. Mais j'en suis pas encore à ce point-là. Doucement. J'ai vu qu'une petite vidéo, que c'est la scène où ils sont en course poursuite avec les flics ou qui cassent une soixantaine de balles. Et où qu'à la fin ils tombent. Et les magasins aussi. Ouais. Non, mais la scène où que la voiture tombe du ciel, tu comprends pas. C'est what the fuck. Je suis content d'avoir vu ça au moins une fois dans ma vie. Je lui regarde le film, tu vas te taper des barres. Ça, je sais pas moi. Il va falloir bien me motiver pour regarder. Parce que c'est un film à l'ancienne. On regardera ensemble si tu veux. Non. Non. Par contre, tu vas nous présenter un film que j'ai déjà vu pour le coup. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu ici. Ah. Oui. Oui, ça s'appelle La Course aux Jouets. Oui. Ça me parle. Mais oui, c'est vieux ça aussi. C'est avec Schwarzy. C'est 96. Il est dans un magasin, non? C'est ça? Bah, ou, dans plusieurs. Hein. Oui, dans plusieurs magasins. Ouais. Il va être dans une parade aussi, je crois. Ça veut dire rien. Enfin. On te laisse présenter. Donc un film sortant en 96. Il y a un autre Schwarzenegger, pardon. La durée, c'est 1h30. Ouais. Donc voilà, donc Arnold Schwarzenegger qui interprète. Putain, j'aurais même pas moins à lire. Arnold Schwarzenegger. C'est. Présente son propre rôle. Oui, attends, j'essaie de me relire, attends. T'as écrit. En même temps, t'as écrit en chinois là, quand même. Attends, je l'ai écrit. Faut qu'il traduise, attends. Je venais juste de me réveiller quand j'ai écrit ça, c'était à 14h. Et... Ouh, tu te réveilles tard? Ouais, c'est clair. C'est que je dors mal en ce moment. Enfin, tu vas me dire, c'est l'heure à laquelle je me couche. Moi, ouais, mais toi, c'est pas donc pareil. C'est, ouais. Donc, si je me trompe. Voilà, oui, c'est ça. Là, c'est, j'ai mal écrit ma lettre. Donc il joue Howard Livingston. Mm-hmm. Il y a Rita Wilson qui joue Liz Livingston. Et il y a aussi le Big Show, qui est un catcheur américain. Enfin, ouais, ancien catcheur. C'est le frère d'Undertaker dans le... Non. Son frère Undertaker, c'est Ken. Ah oui, c'est vrai. Le Big Show, Oh, c'est le Big Show. Voilà, c'est le Big Show. C'est un catcheur. Il y a pas qu'à la retraite d'ailleurs, maintenant, le Big Show. Bah, il y a beaucoup de catcheurs, ils ont la retraite. Non, il y a encore l'Undertaker. c'est des, il y a 55 ans, des joueurs de catch, si tu veux préférer. D'accord. C'est... Tu vois, c'est le catch, genre c'est John Cena. C'est des pseudonymes de catcheurs. Il est très connu pour ses mèmes, lui. Et Bautista. Bautista, oui. Tu voilà. vois pas ce que c'est, du catch. À la place, ils sont plus. Hein. T'as déjà vu les Gardiens de la Galaxie? Non. Non. Non. Bah, je sais pour toi, alors. Tu devrais le faire. Des catcheurs, c'est des mecs qui se jettent sur d'autres mecs, qui s'accrochent à ils font semblant de faire des combats. Voilà. Ah, il y a des, il y a des sous-entendus là quand tu dis des trucs comme ça. Ah. Semblant, c'est pas sûr. Non, pas ça, semblant. S'ils sont payés pour casser une oreille, ils font. Mais ah, oui. ils font quand même semblant. C'est des répétitions. Ils sont en culotte sur un ring, en gros. D'accord, avec des gros muscles. Ils sont vraiment mal. Ils sont des mises en scène. Ça arrive. Des fois, tu les vois partir sur une civière, c'est qu'ils ont mal. Et par contre, ouais, des fois. Tu les vois comme ça là. Il y en a même qui sont morts sur ce ring. Ouais, mais c'est des accidents tout ça. Parce que c'est pas vraiment des combats de base, c'est des entraînements. Ils s'entraînent pendant pas mal de temps. Il y a un catcheur, parce que je me rappelle ça. Ça je crois que c'est. Si je me souviens, je crois que c'est. J'ai pas de ring correct, je crois que c'est Eddie Guerrero qui est mort sur le ring. Et c'est JBL, un ancien catcheur. L'enceinte qui... Non, peut-être ouais. bien avant l'enceinte. Il a défoncé l'enceinte. J'ai fait quoi là? Attends, ok. J'ai lancé un truc qu'il fallait pas, pardon. Là, ouais, mais c'est pas grave, tu peux laisser ça comme ça. Non, vas-y, laisse. La panique. Mon doigt, en mode stress. Mon doigt a ripé. Pas de problème, ça passe. Donc, comme je disais, c'était Eddie Guerrero qui s'est fêté par JBL sans faire exprès. C'est que t'as Eddie Guerrero qui est en train de faire un arrêt cardiaque sur le ring. Mm-hmm. Et t'as JBL pour terminer le match, bah, il a fait une prise de finish qui l'a tué. Quoi, en fait. Ah ouais, j'ai un autre souvenir du film. C'est hard hein, quand même. Hein. Ouh. Ah, c'est pas le film, ça. C'est l'histoire de Cash. Il a pris son gosse et il l'a. Ouais, tu l'emmènes au catch. Moi, je peux revenir au film parce que c'est. Parce que du coup, on est parti encore. Donc, bon, comme tous les enfants américains et bientôt du monde, Jamie, ouais. Américaine, c'est Jamie. Pas ma faute, vous avez même en rêve, Jamie. Veut un Turboman pour Noël. C'est un robot. Seulement son papa, homme d'affaires, stressé. Et a oublié sa promesse. Ah. Tu lui en as acheté un, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a pas pensé, il l'a oublié, comme beaucoup de parents. Mais t'as oublié de dire par qui incarnait le petit Jamie? Oui, je voulais le noter, mais j'ai oublié. Oui. Bah, c'est celui qui fait le jeune Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah bah tiens, ça c'est une info. Voilà, une info qui servira pas grand chose, mais qui sert quand même. Non, Ah, son premier rôle avant La Menace Fantôme. Bah, c'est déjà pas c'est mal. C'est pas hein. mal, ouais. Avec, aux côtés de Schwarzenegger. Ouais. Bah oui. Ouais. Effectivement. Je peux continuer? T'es pas obligé de demander la permission, il y a un gros blanc, c'est ton truc. Bah, pour toi. Donc, bah il. On t'entend clasher en toi. Non, je plaisante, elle a rien dit sur toi. C'est enregistré. Bon, en fait, j'ai toutes les podcasts, donc tant pis pour vous. Hein? Bah, tu pourras la réécouter, tu verras ce qu'elle a dit. C'est méchant ce qu'elle a dit sur toi. Tais-toi, on va se faire remarquer. Va au coin. Va au piqué là-bas. Ah non. Bon, allez, laissez-le faire. Il s'en aperçoit quelques heures avant la fermeture de tous les magasins. Évidemment. Et il a beau faire tous les magasins et tout, et il n'arrive pas en Turboman. Bah ouais. C'est un jouet très célèbre, tout le monde le veut. Bah ouais, tout le monde le voulait à ce moment-là. C'était très moche en plus. Mais bon, ah, mais ça te parle? Ouais, je connais le film. D'accord. Non, mais le Turboman, tu vois ce que c'est ou quoi? Ça n'existe pas ça. C'est une invention du film, je pense. Ouais, mais ils avaient dû le faire. Il avait sûrement. Ah ouais, si ça se trouve, il y a des jouets déclinés du film. Ah oui, il y en a. Bah, ça se peut. C'est sûr. Non, c'est bon, j'ai fini. C'est lui qui. Laissez d'entrer. Comment ça, t'as fini? Oui, j'ai abrégé au plus vite. Hein, parce qu'à chaque fois, on me dit ouais, t'es trop long. Bah, ouais, non, t'es pas trop long. T'es trop court, généralement. C'est trop court. Les femmes, elles disent t'es trop court. Hein. C'est trop court! Mais c'est tout, ouais, tu nous as même pas donné la bouche! Hein. T'as dit, il cherche des jouets, voilà. C'est tout, et il fait pas ça tout le film. Non, mais j'ai même si c'est l'intrigue. Après, il va rentrer en compétition avec un autre adulte qui veut le jouer. Ouais, qui est facteur, oui. Ouais, un facteur. Ouais. Voilà. Bon, il a finalement son jouet ou pas à la fin? Bah, finalement, à part le destin et le fruit du hasard, il arrive à une parade, il va être déguisé, enfin costumé en Turboman. Ouais. Et il va devoir choisir un enfant qui va monter sur le char et prendre la figurine. Et finalement, la figurine, il va la donner au facteur, puisqu'il dit, mon père, c'est Turboman, j'en ai plus besoin de la figurine. Ah, ouais, trop voilà. bien. D'ailleurs, j'ai quelques anecdotes sur le film. Bah, ça, c'est bien. Donc, la parade de Noël, elle a été tournée en mois de mai, dans le studio Universal, carrément. Ça arrive. Ouais. Et après, j'en ai une deuxième où c'est carrément. Bah, après, il parle du film. Donc, la dernière demi-heure du film, c'est que du super-héros en fait. Il disait que c'est que du super-héros. C'est... Comment ça? Ah, c'est dur. Bah, en gros, la dernière demi-heure, c'est que c'est super-héros. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Mais oui, c'est pour ça que tu dire commences quoi à. Exprime-toi. Explique-moi ça parce que je comprends pas. Bah, on doit avoir des trames scénaristiques, ouais. Narratives qui sont. Qui viennent. Ou sont communs à des films de super-héros. Parce qu'à la fin du film, Turbo Man, il vole, quoi. Il a choisi un jetpack. Oh là là, ça va, d'accord. Tout ça. D'accord. C'est et le facteur, lui, il est déguisé en méchant de l'univers Turbo Man. Ils ont créé un petit comique. Ouais, voilà. Ça. D'accord, ça. Je m'en rappelais plus. Mais ouais, d'accord. Bah, c'est une émission TV, Turbo Man. Et ça se clôture comme ça, du coup. C'est clôturé comme ça, ça se finit comme ça. Ouais. Enfin, d'accord. Jamie donne la figurine au facteur. Ouais. Et il dit bah mon père c'est Turbo Man, j'ai plus besoin de la figurine. Il est plus heureux finalement, il est heureux, oui, donc tout va bien. D'accord. Ah ouais. C'est cool, ça finit bien. Mais oui. C'est clair. Et ça a évité d'acheter un jouet. Foiré. C'est vrai. Ouais, bah, on pourrait en parler ça aussi. Mais putain. Et toi, ça te prend un bout du nez, toi, bientôt. Ah, moi, je l'achète que dalle. Moi, ce qui m'énerve, durant tout le film, c'est que t'as le voisin de Schwarzenegger qui arrête pas de draguer sa femme aussi. Oui. Oh, ce chiant. Ouais. Ah, il m'énerve. Tu m'étonnes. C'est moi le voisin. Qui... Oh, mais moi j'aurais réussi, c'est ça la différence. Ouais, c'est clair. Je m'en rappelle. Mais pour revenir à ça, je rachète pas de jouets moi à mon fils. Ou alors peut-être t'as rien à acheter pour Noël ? Bah si, hein. Bah c'est bien, mais il est petit en même temps. Donc, bah oui, donc, voilà. Ouais, mais ça va. C'est venir. Ce que je dis aux gens. Mais figure-toi que les gens ils achetaient tous quelque chose. Du coup, ils se retrouvent avec une trentaine c'est de vrai. Jouets. C'est vrai, t'as le bordel à la c'est maison après. Ouais. Tu sais plus où le mettre après. Ouais. Bon, je range plus. Tu sais quoi, prends-lui une Game Boy et tu lui prends des cartouches de jeux. Trop jeune. T'es pas sérieux là, toi ? Trop jeune, mais. Si. Mais trop jeune. Il sait pas jouer encore. Enfin, il sait pas jouer. Ouais, non, mais tu l'attends et tu prends une cartouche de jeu tous les ans. Voilà, comme ça. T'as une pile de jeux. Tu prends de l'avance t'as en gros. Idée comme ça. Voilà. T'as pas de mauvaise idée comme ça. Non. Ouais. Mais non, en fait, j'essaie de raisonner plutôt les gens autour. Mais t'as raison. Parce qu'ils offrent toujours des trucs, mais. Mais c'est bien ce que tu fais, parce que c'est pour en faire quoi après? Ouais, mais ils m'écoutent pas alors de toute façon. Demande-leur des fringues ou je sais pas. Moi j'offre des boîtes de chocolat, ça va plus vite. Des boîtes de chocolat, des petits pots Blédina, voilà. Tu n'as plus de petits pots à 2 ans? Bah non. Ah. Bah ouais. Ça part vite, hein. Je suis pas papa donc. Ça arrivera. Maintenant ça mange comme nous à 2 ans. Ah peut-être. Enfin, tu vas me dire, il y a des médecins qui te conseillent que non, mais bon. Non, fais-le manger rapidement, sinon il va rien manger. Ouais, après, voilà, c'est ça que les parents ils font ça parce que c'est chiant, ça coûte cher les pots Blédina. Non, ouais, carrément. Cher. Ça a l'air dégueulasse déjà. Faut y goûter, hein, c'est fade. Y a pas de sel, y a pas de. C'est dégueu. Et puis, comment c'est dire dégueulasse. Dans l'éthique de la cuisine française, les petits pots c'est pas. C'est moi ou on parle de petits pots à PK quoi? Oui. C'est normal quoi, j'ai envie de dire. Je suis fier de moi. On a des membres de Vita Conso, on peut parler quand même de. Ouais, mais ouais, d'accord. Oui, faites vos petits plats maison, c'est meilleur. Parlons pour les enfants. Parlons de petits pots. C'est meilleur. Le prochain sujet de PK, Jolan, d'accord, tu retiens les petits pots pour les enfants. Petits pots, ouais. Non, sérieux. Il n'y a pas du tout de rapport. Vous allez, tiens, moi j'ai une idée, vous allez offrir quoi? Est-ce que vous allez offrir quelque chose en vidéo? Alors ça, on va en parler dans la dernière partie de PK Avenger. Ah, bah alors je vous laisse alors. On va d'abord parler de... Enfin, non, on va d'abord écouter une musique. Ouais. On va écouter le cousin de Nekfeu. On va écouter la suite des pubs que j'ai teasées. Oui. On va écouter la musique, le cousin de Nekfeu, Nexlo. Ah, je l'ai trop fait celle-là aussi. Nekfeu, mais arrête. Oh. Palm Shadows. C'est pas Nekfeu. De Nexlo. Non, c'est son cousin. PK Avenger sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo Superman sur Nintendo 64. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Quelqu'un connaît le jeu sur Nintendo 64 Superman? Non, il y aura que Théo pour lui dire ça. Ouais, non, là ça date. C'est hein. Le seul vieux qui est. Ah, je sais pas, mais je demande à Linda et Léa. Bon, bah, peut-être pas Léa, mais Linda. Surtout Linda. Non, j'ai pas joué à ça, non. Mais peut-être Eric, dans sa jeunesse. Peut-être, écoute. Vous êtes rencontrés quand? Il y a longtemps. En 2003. 2003, ça date, ça fait... hein? Ah oui, on est vieux. Ouais. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Ça date. Ah, mais ça veut dire que vous n'êtes pas connu dans les années 1900, quoi. Non. 1990, pardon. 1910. Oui. À savoir qu'il est un poil plus vieux que moi, lui. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Ah, il va être content, je vais le dire. Non, je sais pas si c'est plus gentil dans les deux sens. Ah, sympa, donc ça veut dire que je fais vieille. Bah, vas-y, quoi. Allez, c'est la fin de l'émission, ça clash. Ça clash. Ça va dans les deux sens, en théorie. Ok. Bon, donc non, je vais pas jouer à ce jeu. Méchant. Moi, clasher sur l'âge, j'adore. Ouais, c'est facile. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ça c'est fait trop pas trop facile. Mal, ça va, ça va. Comment je préfère sur l'âge que sur le physique, parce que tu touches. On peut faire sur le physique. Sur le physique, je te défonce. Ok. Alors, on va parler de d'autres choses, hein. On va y aller, hein, on va rentrer. D'accord. Là, on va pas, on va faire la dernière partie de, oui, d'Epic Avenger, de cette spéciale Noël. On va parler d'un peu d'actu, si on en a. Oui. En sachant que j'en ai sur les jeux vidéo et ça va pas vous plaire. J'en ai aussi, moi. On va parler un peu de Noël, j'imagine, de ce qu'on va offrir à nos proches, ou ce genre de trucs. Mm-hmm. Voilà. Donc, on va commencer avec les actus. Je vais commencer moi-même, d'ailleurs, parce que ça va être rapide. J'ai checké les actualités jeux vidéo du mois, carrément, du mois. Il y a 4 jeux vidéo, on va dire... gros jeux vidéo qui vont sortir et ils sont tellement gros que je les connais pas. Ah. Alors en gros, il y a rien qui sort en décembre de vraiment intéressant. Ah bon, j'ai rien vu d'intéressant. Je suis déçu. Il y a rien. C'est pour pas la Noël, période, quoi. C'est bizarre. Bah si, justement. Ou alors c'était. C'est la période. Généralement, il y a des gros jeux qui sortent pour Noël ou genre de truc. Ils les ont pas sortis avant histoire de prendre de l'avance, non? Bon, d'accord. Il y a aucun c'est gros nul, jeu. Quoi. T'as Épée Bouclier qui est sorti à la fin du mois de, enfin là récemment du coup. Ouais. T'as ça, la rigueur, qui peut passer pour Noël. Mais sinon, à part ça... Qu'est-ce que c'est que vous jouez là en ce moment, qui vient de sortir, le 2 4 Quest. 4 Quest, ça te parle si Dragon... pas, Bah, en fait, non. C'est une histoire de chien et de chat. Mêlés, avec des quêtes et tout. Et ça vient de sortir la version 2, là, sur le shop, sur le e-shop. Bah, je veux bien le croire, mais c'est pas un gros jeu, pour le coup. Enfin, c'est pas un jeu très connu. C'est un non, RPG. C'est pas un gros... Oui, je te dis pas le contraire, c'est sans doute un RPG. Si tu le dis, je te crois. Mais oui, c'est pas un une gros grosse, jeu, donc ouais. C'est pas, ça toi, pas fait... t'aurais voulu un gros truc qui sorte, là. Il y en a toujours, en fait. Comme ça, ça évite de trop chercher ce que t'as... Enfin, ce que tu veux jouer. Genre, je sais pas, un Skyrim ou genre de truc. Ouais, tu prends ce qui sort... Peut-être pas non... Bah, oui. Ouais. Je cherche aussi des jeux indés, hein, entre deux, mais pour Noël, tu vois, je me complique pas la vie. C'est... Tu prends du bon, tu sais que voilà. Voilà là, sauf que ça. T'as pas en fait. Sauf que là, il y a rien. D'accord. Je suis à sec. Ah je suis à sec de jeux. Et Pokémon, tu l'as fini? Oui, j'ai. Depuis longtemps. J'ai mis une semaine à finir. Ah oui. Je l'ai acheté, j'ai fait une semaine et c'est bon, c'est réglé, c'est plié. Donc bon, soit c'est quelle ma carrière version de Pokémon, geek, c'est quoi? Épée Bouclier. Ah, et c'est bien? Sur Switch, oui, c'est d'accord, pas mal. D'accord, sur Switch. Ouais. Franchement, le concept est bien. Bah, Léa, elle a acheté Evoli. Enfin, elle a Evoli, mais. Let's go. Alors. Ouais, elle a pas, elle a pas adhéré non plus. Hein. Ouais. Bah, c'est bien parce que toi, t'as peut-être pas joué à la version rouge et bleu. Non, et jaune. Non, non. Sur Game Boy Color. En fait, c'est le seul jeu Pokémon que j'ai. Evoli. Ah. Mais bah, voilà. C'est bien parce qu'au moins, tu commences par la base, l'histoire de base. Il y a des donjons et tout dedans, c'est ça? C'est pas des donjons, des grottes là, ou des. Pas des donjons, mais oui, des grottes. Oui, mais en gros, c'est le voyage initiatique d'un dresseur de Pokémon. T'as d'accord. 10 ans, tu te balades sur une map, tu vas forcément aller dans des grottes, ah, bah, tu vas base, surfer quoi. Sur l'eau. D'accord. C'est, en fait, c'est l'histoire du tout premier jeu Pokémon. D'accord. C'est bah, donc c'est sympa, ça va. Donc c'est plutôt bien dans l'esprit. Et puis après. Moi, je trouve qu'Evoli est très choupi. J'aime bien aussi. C'est pour les gosses en gros, Evoli, non? Ouais. Ah. C'est dessiné pour les, enfin c'est fait pour les gosses, non? De plutôt. Base, oui, Pokémon, je dirais que c'est pour les enfants. Mais après, comme il y a beaucoup de gens, c'est sorti en 95 le premier Pokémon. Ouais. Comme il y a beaucoup de gens de cette génération-là qui ont joué à Pokémon, maintenant ils ont grandi et ouais. Forcément ils sont jouent encore fans encore, ouais. Parce que ça restera dans nos cœurs, je pense, ouais. jusqu'à la mort. Ouais. On a ouais. Tous envie de mais, voir mais un même Pokémon. Même toi, regarde, t'es non, plutôt moi. Une nouvelle génération. Et... Tu ouais. Aimes ça finalement, cet univers oui, te, bah oui. Te colle quoi. Mais moi j'ai joué de A à Z à tous les jeux Pokémon. D'accord. Donc enfin je sais pas, c'est sentimental on va dire. Ok. Et Let's Go Evoli, on me l'a acheté je crois. Oui. Ouais, j'étais en train de vérifier mais j'ai mis tellement peu d'heures dedans, j'ai dû mettre 25 heures à le finir. Ah ouais. C'est... Ouais mais parce que t'es pro, enfin tu connais quoi, donc tu c'est fonces, même pas quoi. Une question de pro, c'est que ça manque de contenu. D'accord. C'est énorme. Léger quoi. Ah, bah ouais. La première, les premières versions de Pokémon, il y a 150 Pokémon, ça va vite, surtout quand tu la connais par cœur. Ouais. Let's Go Evoli, ils ont légèrement modifié des trucs, mais ils l'ont simplifié à mort. Le seul truc qu'ils ont rajouté pour faire durer le jeu, c'est en gros, t'as des dresseurs spécialisés dans chaque Pokémon, genre on va dire Magikarp, allez, un Pokémon que tout le monde connaît. Ouais. Il va y avoir un dresseur sur la map qui va apparaître de spécial Magikarp. Ouais. Il va avoir Magikarp genre level 70. Et toi, pour l'affronter, il faudra que tu aies un Magikarp level 70. D'accord. Et tu n'auras pas le droit de changer de Pokémon. Ça fera juste des combats comme ça, Magikarp 70 ouais, contre Magikarp 70. Ouais, tu peux pas faire des trucs compliqués, c'est quoi. C'est pas exceptionnel. Ouais, c'est pas... Bah, t'as pas la main, quoi. Ouais, t'as pas la ça main. Ça sert à rien, en vrai. Qui va monter y a pas un de Magikarp réflexion, level 70 quoi. Bah ouais. Ils ont juste mis ça pour faire durer le jeu, parce que tu dois capturer 150 Pokémon, les faire monter à ouais. Assez haut level. Level, ouais. Et te faire affronter les autres pour regagner rien. Mais c'est même pas kiffant au final, là, alors. Je hein que c'est pas terrible, quoi, non, en fait. Non, ce concept-là, je n'adhère pas du tout. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé Let's Go Evoli. D'accord. Par contre, Épée et Bouclier, ouais, il est vachement c'est classe. C'est pas la même idée, non. D'accord. Voilà. C'est tout ce que okay. J'ai à dire sur Pokémon. Bon, bah, je l'oublierai dans 2-3 ans. Quand il y aura ou un pas. Autre Pokémon. Ah aussi, ouais, bah, d'accord. Bah, si, quand il y aura un autre Pokémon, c'est bon. Mmh. Voilà. Et du coup, t'as rien annoncé pour la sortie de Noël, alors, tu dis? T'as rien, rien, rien. Bah, il n'y a rien d'intéressant surtout, parce qu'il y en a des jeux qui sortent, mais c'est pas. Il n'y a rien d'intéressant en soi qui mérite d'être parlé. On verra l'année prochaine. Bah ouais, et encore, j'ai regardé le mois de janvier, j'ai regardé le mois de février, et je crois que c'est au mois de mars qu'il y a des jeux qui commencent à être intéressants. Il y a des périodes justement ou pas? Je sais plus lequel. Il n'y a pas de période, c'est quand ça sort, quand ça se produit. Normalement, les fêtes, les fins d'année, généralement, il y a des gros jeux. Les fêtes, début d'année. Ouais. C'est pour ça que je pourrais parier sur la fin d'année prochaine. Ouais. Je pense qu'il y aura quelques jeux, au moins deux, qui vont sortir sur deux gros jeux. Mm-hmm. Parce qu'il va y avoir la sortie de la PS5, donc forcément, il va y avoir des grosses licences qui vont se taper dessus. Ouais. Ça va envoyer. Ça va forcément. Ça va brasser du fric. Là, exactement. S'il y a PS5 qui sort en même temps que la Xbox 2, ça va encore envoyer. Ouais. Alors, c'était Scarlett au début et j'ai vu. Je t'ai entendu dire J'ai j'avais Xbox Scarlett et là, ils ont changé pour Xbox 2. Donc, pour dire que Xbox, ils sont pas encore. Au top. Ça vaut le coup ou pas là fixés, ouais, ils savent pas encore. La Xbox. Ah bah, je sais pas ce que ça va donner. Hein, moi, perso, je reste à la One, je changerai pas. Ah ouais. Oui. D'accord. Moi je sais pas, bah je vais peut-être aussi. Ah, faut le budget après derrière. Pas grave, on sacrifie ça. D'accord. Psychologiquement, je me dis je suis obligé de le faire en fait, juste pour pouvoir jouer à des nouveaux jeux ou quoi que ce soit. Parce que c'est frustrant. Ouais. C'est frustrant quand t'as pas les jeux qui sortent sur Xbox 360 et que t'as l'inverse. Oui, bah oui. Ouais, voilà. Voilà. Donc, t'as besoin d'aller plus loin. Ouais. S'il y a un seul jeu qui m'intéresse, bah la Switch, c'est ce qui est arrivé en fait. Je l'ai acheté, enfin on me l'a acheté, on me l'a offerte pour mon anniversaire en mai. Et ça aussi c'est un budget, je peux te le dire, je l'ai acheté. Donc Bah, voilà, on me l'a offerte, c'était prévu à l'avance que je l'achète, c'était uniquement pour Épée Bouclier qui est sorti à la fin de cette année. Donc vache. Voilà. Ouais. Faut être passionné et avoir un peu de pognon quoi. Ouais, c'est ça. Moi j'ai des j'ai du pognon maintenant, je suis boulanger. Ouais. J'ai des mauvaises nouvelles cinématographiques à vous annoncer. Ah putain, bah vas-y, on continue de la mauvaise nouvelle. La saison 2 de Daybreak, c'est étonné. Daybreak, ouais. J'ai vu finish. Ça. Manque de moyens. Du coup, ils ont tout annulé. Direct. Enfin. J'étais un peu déçu parce que j'ai regardé la première saison, j'ai trouvé ça cool. T'en avais parlé, je crois. Non, Antoine en avait parlé. Ouais. Du coup, ils annulent la deuxième saison. Voilà, désolé Antoine si tu voulais regarder la deuxième. Tu veux Daybreak? J'ai envie de pleurer. Fais un break. En plus, c'est dommage parce que ça se termine sur un truc badass. Ouais. Voilà, Have a break. Have a Kit Kat. Putain. Oh, alerte au Google. Alors. Je suis désolé, je l'ai vu, je me suis dit, oh tiens, vas-y. Ça va passer là. Ouais, ça passe. C'est pour Amélie de temps en temps, ça. Hein? Alerte au Google, c'est pour Amélie, ça. Oh, on peut faire ça pour. Le magnifique rire. Le rire de princesse d'Amélie. Incroyable, ce rire, putain. Ah, prend trop cher. Il va nous hanter. Ouais, c'est, bah, heureusement qu'il est dans le jingle palette. Hein, parce que... Ouais, je suis sûr, si elle nous écoute, elle a envie de dire ça. Fuck you! Oui, c'est vrai. Mais bon, elle nous écoute pas de toute façon. En gros, ça vous amuse, les gars, là. Ah, c'est marrant. Le jingle palette. Ah bah, des gosses, hein. Ouais, c'est mon truc préféré dans cette radio. Brume, et encore, des fois, j'ai la tablette avec plein de boutons. Brume. Vous êtes prêts pour la tablette? Attention, ça va péter les oreilles. Elle déglingue un peu les oreilles, celle-là. Ça va. Normalement, ça va. Sur ma tablette, je peux mettre une palette, mais. On en a parlé, Yann. Ouais, mais elle a plus de batterie. Ouais, elle avait plus de batterie, mais du coup, elle va se rallumer. Mais faudra qu'on teste ça samedi. Si, attends, j'ai vu un truc sur Facebook. Voilà. Je sais pas que c'est Camille, ça. Vas-y. Qui a peut-être à avoir Interville qui va revenir sur. Si, c'est moi. C'est toi, c'est là, moi. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est excellent. Bah, après, ouais. Tu sais que je jouais au jeu aussi d'Interville. Sur DS, j'ai joué. Il y avait un jeu Interville sur DS. Putain, ils ont vraiment fait des trucs bizarres sur DS quand même. Non, mais ils ont tout fait sur DS. Ils ont fait Bienvenue chez Ch'ti, ils ont fait. Fort Boyard même. Oh là là. Comment tu veux? Faut pas jouer à ça. Hein. Mais si, c'est drôle. Tu rentres dans l'univers. Si t'es fan, tu aimes. Je suis fan d'Interville, pas de problème. Hein. Tu me lâches dans une cour avec des taureaux. Mais hein, ça n'a rien problème, à voir, mais... oui, ça n'a rien à voir. C'est pas. C'est pour de l'argent en fait. Mais c'est pour être dans l'univers sans y être. N'espère que ce sera pas truqué. Ouais. Parce que tu sais que les premiers interviews qu'ils ont fait, c'était truqué. Et ils vont faire du ville à ville, tu crois, ou ça va être comment? Bah, je sais que les villes à ville qu'ils ont fait à l'époque, c'était truqué. Il y avait certains, Si tu veux regarder les trucs comme Interville, tu regardes Total Wipeout, à l'américaine. Ah, je connais aussi. Ah, ouais. Cool, ouais. Ils ont c'est des trucs assez sympas. C'est drôle. Et c'est plus cool et c'est plus rapide. À l'époque, là, avec les japonais. Ouais, alors les japonais, ils ont d'autres délires. Quand c'était menu W9 là, avec c'était con. Ils ont des délires bizarres. Surtout les japonais. L'assaut du château machin là, je sais plus quoi là. Tu sais, c'était sur W9. Ouais, je vois. Tu parles de Total Wipeout, mais sur TF1 il y a une émission qui reprend un peu la même chose. Comment ça s'appelle l'émission là? Des guerriers là. Ninja Warrior. Ouais, Ninja voilà, Warrior. Ninja Warrior, voilà, c'est pareil Ninja un petit Warrior. Peu. C'est le même concept. Parce que c'est ils sautent ouvert. Pas sur des. Ouais. C'est moins drôle, je trouve. Ouais. Ouais. Ouais, c'est lassant au bout d'un moment. C'est plus les mecs ultra sportifs, Ninja Warrior. Alors, tu me vois faire un Ninja Warrior ça peut se regarder. Ça peut se regarder. Ouais, au bout d'un moment t'en as marre quoi, en vrai. Alors que tu te fends la gueule sur Wipeout, ouais, voilà. C'est marrant. Tu t'avais pas out, ouais, voilà, il y a du fun dedans, il y a des... Ouais, Il y a des ils se pètent la gueule des gens de qui tombent, voilà, c'est ça. Voilà. Quand les gens tombent, c'est marrant. T'as mal pour eux, mais tu t'éclates. Non, on rigole, ah non, on rigole du malheur comment des autres. Toi, t'es vache, c'est toi. Ça, plus c'est une expression dans ma famille très célèbre, celle-là. On rigole du malheur des autres. Moi, je vais masquer un Ninja Warriors, on va rigoler. Tu peux. J'arrivais, je vais faire trébucher. On va faire le Indie Star Warriors. Oh la gueule. Nous qui sommes très sportifs, n'est-ce pas ? Exactement, la double cheeseburger, c'est dédicace à Théo aussi. Ouais, Théo, ouais. On va s'en souvenir très longtemps. On a quoi d'autre comme actu ? Est-ce qu'on en a... Est-ce qu'il y a des sorties de films intéressantes à part Star Wars? Oui, bien, il y a Black Christmas qui va pas tarder à sortir, un film horrifique sur Noël. Ouais, c'est bizarre. Mais sinon, moi j'aurais bien aimé faire un petit teasing. Ah bah vas-y. D'une émission que je vais bientôt lancer. Bah ouais, que j'espère lancer. Ça fait en... partie des actus. Ouais, que j'aimerais lancer en février. J'en ai parlé avec Anne, mm-hmm. avec Théo. Il m'a dit qu'il était partant. Parfait. Et ça se lancerait juste après Actus. Non, vite à Conso. Vite à Conso. Ça sera le vendredi. Ouais. Ah donc ça sera. Je vais. De 21 à 22, je crois, toi. C'est... Et moi de 22 à 23. Non, moi je suis de 20h30 à 21, mais bon. Apparemment. Mais t'inquiète pas, je vais peut-être déborder. Non, ah, mais, Jolan. Non, mais t'auras peut-être une heure. Peut-être. On s'adapte. Comme ça, vous ferez une émission de 2 heures. Comme ça fait 2 heures. Ouais, et ça s'adapte à la grille de programme de Indestar. On s'adapte. Pas on de rappelle problème. Que sur Indestar, il y a des émissions quasiment tous les soirs de 21h à 23h. On peut aussi le rappeler que tout le monde est le bienvenu. Hein. Ouais. Évidemment. Évidemment, voilà. Bah, avec cette émission, j'espère ramener pas mal de gens de l'escat. J'en ai parlé super. Autour de moi. Et dont Louis. Ils sont partants. Louis, oui. Et cool. Tu vas nous parler de quoi exactement? Je vais mettre des lunettes, Louis, je vais mettre Superman, je vais m'appeler Claire. Paul, ouais. Oui, parce que mon émission va s'appeler Krypton. Sans déconner. Ouais, sans déconner. Et bah, c'est peut-être... à cause de Loïs. Ah non. Non, je crois qu'il est arrivé peut-être au 50e, à la 50e émission, on parlera de Superman. C'est ta liste, il ça. Il pourra pas y avoir 50 émissions. Non, mais je sais. Bah, pas là, à partir de février, je sais. D'accord. Mais, t'es prêt là. Encore pour l'année prochaine, quoi. Il y aura pas 50. Mais, alors, si tu veux, j'ai fait une petite, un petit sommaire de ce qu'il pourrait y avoir dans l'émission. La première, tu parlerais de quoi? La première, bah, on va faire une émission test d'abord. Oui. Avec j'aimerais toi et Jolan, et je sais pas qui d'autre. Mais la première mission, ça serait sur Zatura, l'aventure spatiale. Wow. D'accord. Et sinon, la toute première qui sera officielle, ça sera Soyez sympa, rembobiner. Évidemment, tu nous enverras la liste de films bah, pour qu'on les regarde. En fait, je vais vous donner les films pour que vous les regardiez avant. Ah, nice. Ouais, c'est pas bête. Bah oui. Et le but de ton émission, du coup, c'est quoi? C'est de parler des films? Alors, pas que, en fait. Ouais. Le pire, c'est qu'on aura une analyse assez. Non, il n'y a pas d'analyse. Je vais faire une annonce sommaire de l'émission. Ce sera pas un monologue? Non, je vais envoyer. Non, mais je vais envoyer. J'ai déjà fait un générique. J'ai plus qu'à faire le jingle. On va balancer la bande-annonce. Ouais. Mais audio, comme ça, ça pourrait être intéressant. Bah oui, c'est plus radiophonique pour le ouais, coup. Et puis après, si je parle des films américains, j'aimerais parler de la VF. Mmh. Je vais vous demander le premier souvenir du film que vous avez, s'il y a une séquence qui vous a marqué, l'impact que le film a eu dans vos vies. Ensuite, j'aimerais lancer une musique qu'il y a dans le film ou qui est en rapport. D'accord. On va se mettre à la place des personnages dans le film. Il y aura un quiz. Oh. Et ensuite, on aura un point actu des sorties du mercredi. D'accord. Ah, c'est sympa, hein. Voilà. Donc ça on va c'est cool juste avant le week-end. Pourquoi pas, ouais. Ce serait sur un format de quelle heure du coup? Une heure. Okay. Une heure, j'espère. Puis je pense que on viendra des experts, ouais, comme l'escarte. On va rattraper notre retard. C'est ça, on a beaucoup donc, de retard. Je vous en parlerai ensuite en off. Bah ouais, carrément. Hein. Voilà. Si on peut intervenir de temps en temps. J'aimerais vous avoir tous les deux en fait. Ah ouais, c'est pas demande. Soit l'un soit l'autre. Si vous êtes partant. La guerre, c'est dur. Je suis en train de réfléchir, je vais être dans 5 émissions maintenant. Tu vas être dans toutes les émissions, Jojo, en gros. Dis-toi que t'es dans toutes les émissions. Tu vois ce que ça fait quand on est bon, c'est comme ça. Si tu trouves que t'es dans trop, t'es pas obligé de dire oui. Non, mais avec plaisir. Hein. Eh, t'es bon à la technique, t'es bon à la technique. Emploi, je suis sans emploi, j'ai le temps. Donc. Il est pas si bon que ça la technique. Bah non, parce que j'ai pas la technique. Donc ça fait 48 heures que tu te boudes, donc il commence à piquer là. Non, si, t'es quand même plus doué que nous quand même. Ah bah, et oui. T'as plus d'entraînement, t'as plus d'expérience. Bah, donc, moi je sais que je vais avoir un petit entraînement. Je vais rougir. Je vais avoir un petit entraînement à la console. Profite, on te dit des gentillesses, ça va peut-être pas durer. D'ailleurs, j'en profite pour le dire à tout le monde, sachez que pendant les grandes vacances, il y a des ateliers pour apprendre à utiliser la console et tout. Ouais, mais moi j'ai peur. Je les ai moi c'est Jojo, ma console. Mais il faut avoir peur. Jojo LAN. Oui, Jojo LAN. Oui, d'accord. Parce que Steak j'ai trop... Pardon. Tu vas me faire des trucs comme ça pendant ta console? Bien sûr. Ah, d'accord, ok. Bah si, steak. Faut savoir qu'ils sont ouverts à tout le monde parce que Indestar c'est quand même une radio associative quand même, ouais. De base nous sommes tous bénévoles, nous sommes tous amateurs. Des gens normaux. C'est ça. On est là, on fait de la radio. On a un cuisinier sur cette table, on a un boulanger sur cette table, on a un homme de ménage. On a quelqu'un. On a un truc sur cette table, on a une chiasse sur cette table. On a un truc. C'est méchant. Il y a tous les corps de métier. Attends, quand j'arrive sur Actu Suite, tu vas voir. Quoi ? Je vais arriver bientôt sur Actu Suite. Ça sent la vengeance. Ouais, mais pour arriver sur Actu Suite, il faut bosser. Et si tu bosses déjà pas assez pour un Pékin Ranger alors. Je t'aime. Antoine, prépare-toi, t'es à VTC aussi. Vite à console, faut envoyer. Hein. Ouais. Donc je serai toi, je ferai attention quand même. Parce que si déjà tu travailles comme ça dans Pack Avenger, dans les autres émissions. Ah, mais t'es comme ça, ça sera bossé. Ouais. C'est caché ça, j'ai fait ça à 14h en me réveillant. Ouais, mais est-ce que t'es capable de faire 3 films en une semaine? Ça va être compliqué. Oulala. Parce que faut que ça soit largement faisable pour que tu sois adapté aux autres émissions. Dis-toi que tu peux faire tes films en avance en fait. Là, on les fait au jour le jour parce que flemme et que c'est les fêtes. Ah, mais t'es là-bas, c'est que pour l'instant, toi, je fais ça. Ça dépend des fois. Mais c'est que normalement, je devais aller Pépite Lab. Autre association, Ouais, peu importe. Sauf qu'elle était pas là. Dis-toi que pour faire plusieurs émissions, faut quand même. Faut pas non plus trop se surcharger. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Non, mais t'inquiète pas, moi, il m'accompagne. Il va me dire des petites anecdotes. Hein, Vita Conso, on va pas se prendre la tête. Ouais. On va y aller tranquille. Et Jolan, t'es prêt toi hein? Bah ouais, carrément. Jolan. Ma foi. Du coup, j'ai une question, Gaëlan. T'as un nom d'émission déjà en tête? Oui, Krypton. Ouais, Krypton. Il est deux mois, trois fois, t'inquiète pas. C'est... Voilà. Krypton qui se lancera en février. Non, mais si, j'ai écouté, mais c'est... Je t'excuse, Jolan, tu fatigues. C'est ressorti par Tu veux que je te fasse un récap? Non, c'est bon. Bah si, je t'en fais un quand même. Starter de 20h30 à 21h. Si tu proposes lundi. Actu Solite après de 21h à 23h. Le mardi, j'ai vu de la lumière. Juste avant, il n'y a rien. J'ai vu de la lumière de 21h à 23h avec Clément. Mercredi, il n'y a rien que je sache. Jeudi, alors en janvier, il y aura une nouvelle émission. Il y aura Passion, présentée par Joachim, Sophie et Thierry. Ouais, on a hâte de la voir celle-là. On va voir ce que ça donne. Ils ont fait pas mal de. Ils mettent l'eau à la bouche, mais. Ils ont bossé pour pouvoir rattraper le retard qu'ils avaient. Pour ça qu'ils n'ont pas lancé en septembre, parce que voilà, ils ont eu du mal à mettre en place. Maintenant que ça a l'air d'être mis en place, ils vont lancer. Et ben, ça va être 20h30 à 21h juste avant nous. Et après, il y a nous, évidemment, les meilleurs. Bah oui. Peck Avenger, de 21h. Les plus beaux. De 21h à 23h. Les plus beaux, effectivement. Les plus, ouais, c'est les plus beaux. Elle est gentille, cette petite. Les plus intelligents. Je sais. Mais en même temps, c'est dans le jingle. Mais ouais, forcément. Bah oui. Ça dit la vérité. Les jingles, ça ment jamais. Le vendredi, il y aura de 20h30 à 21h, si je me trompe pas, du coup, Vita Conso. Je sais pas, on va voir avec peut-être Yann, plus, avec peut-être pas. Peut-être 21h, 22h. Ouais. On va voir. Et après, de 22h à 23h, il y aura Krypton. Voilà. Et j'oublie pas, enrôler dans la folie le samedi, une fois par mois. Il y a le pré-show aussi, t'as oublié, il y en a un qui va gueuler. Le pré-show, ça fait partie un peu d'enrôler dans la folie. D'accord. C'est juste en fait pour récapituler justement ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, évidemment. C'est bien. Et on parle aussi un peu de l'univers Toulouse dans le pré-show. Je crois. Beau programme, j'ai envie de dire. Ouais, on a une belle grille. Et si vous voulez rajouter votre programme, allez-y, venez. Il y a un super truc qui se passe aussi samedi entre nous, je sais pas. Non. On peut utiliser ça, effectivement. Les 10 ans. T'es toute seule. T'es toute seule, c'est triste. Là, ça mérite ça. Et seul contre tous, tous me repoussent. Il est violent, celui-là. Ouais, on aurait pu mettre celui-là. Il est horrible dans les oreilles. Ça a défoncé. Trop fort. Ne le remettez pas, please. Puis je m'attendais à mieux que ça en plus. Bref, t'as perdu. Voilà. Le samedi, il y aura les 10 ans de l'émission. 10 heures d'émission non-stop. Ouais, en live. 10 ans, 10 heures. Ouais, c'est ça. On n'a pas voulu faire compliqué. Ouais, il y aura des cadeaux, des jeux. Des cadeaux, des sapins de Noël, des Pères Noël. Non, un Père Noël. On aura des flambis, on aura des caplas, on aura. On aura un sapin décoré, il y aura un fil rouge. On aura le plus grand cabaret du monde, on aura Patrick Sébastien en direct. C'est vrai. Sébastien Patoche. Sébastien Patoche pour les intimes, effectivement. Ouais, plein de choses. On aura. Je crois qu'on a. Un artiste. On n'aurait pas l'icône aussi. Normalement. On va avoir Astonia, il me semble. Ouais. Ah, une artiste Indestar qui va venir en live. Elle va nous faire un truc en live, je pense. Mais je crois qu'on fait le tour de toutes les émissions du programme. C'est ça. Je suis même pas sûr qu'elle nous fasse un truc en live, mais Théo avait prévu de l'interviewer. Ah, bah d'accord. Voilà. Donc, on aura des interviews aussi. Il y aura des intervenants téléphone aussi. Il y aura des sketchs. Il y aura des sketchs assez intéressants. Des sous-titres téléphoniques en ce moment. Et bah voilà. Pas plein de choses. Il faut venir nous voir à la radio aussi, hein, si vous voulez. Ouais. Voilà. Il y aura une petite émission mini-Peck Avenger, où on va parler des jeux de la décennie. Donc ceux qui sont sortis en 2009 ou... Hein non, je dis le coup de vieux qu'on prend quand même. Ouais, c'est clair. Vous dites, il y a 10 ans, il y a Minecraft qui est sorti, il y a ouais. tout ça. Et on va parler aussi des jeux qui sont sortis dans les 10 ans qui ont un peu marqué votre esprit, enfin ce genre de trucs. Voilà. AVTC, il y aura aussi une petite Blind info test. Sur les... Vita Conso, il y aura... Ouais, y a, on en fait une petite apparition avec Jolan et Brigitte et Antoine. On va parler de la conso pendant les fêtes de Noël. Ce que vous dépensez, ce que vous mangez. Cher. Oula, ce qu'on plein dépense, de sous, plein de sous. Tu ne te rends même pas compte. Bah, comme tout le monde, je c'est pense. C'est horrible, la conso, à cette période. Ouais. C'est abusé. C'est vrai. Mais bon. C'est pour ça que je n'aime pas les fêtes de Noël. Ouais. Eh ben, ça va être joyeux, tiens. Ouais. Il n'aime pas dépenser de l'argent, c'est pas mal. Bon, apparemment, il avait des projets, donc... Ton projet est abouti ou pas ? Ah non, ah, du tout. Bon. Il y a beaucoup de préparation encore. Ton d'accord. fauteuil ? Ouais, ton super fauteuil. Ouais, ton fauteuil que tu voulais acheter. Ah non, mais ça c'est bon, je l'ai reçu. Ah bah donc tu l'as acheté, ton cadeau. Mais je l'attends pour. En fait, c'est pour ça qu'il est pauvre, il a acheté le fauteuil. 200 bah, balles le fauteuil. C'est pas moi qui l'ai acheté, mais c'est le Père Noël. Et bah donc ton projet, il est allé au bout. Il c'est sympa, ça que je te parlais. Ouais, moi j'ai un projet, moi. Ah ? C'est une voiture. Ouais, c'est pas le même projet pour le coup. Envoyer un don. Oui. Au 0970 407 306. Vous pouvez exactement. Nous appeler Antoine. Ou alors aller sur indestar.fr. Ou alors aller sur la page Facebook. Ou alors sur le Facebook. Envoyer de l'argent. Ou la Twitter aussi. Pour le pauvre petit Antoine, pauvre sans voiture, voilà. Qui se bat dans moto, toujours en panne. Pour qu'il puisse venir aux émissions. Voilà, exactement. Si vous voulez Antoine. Ah bah non, bon bah tant pis. T'es sûr que tu vas manger toi Oui, ça c'est sûr, parce que c'est les fêtes de Noël. Voilà, chais. Ouais, d'ailleurs, il y aura à manger et à boire samedi. Hein. Ouais, apparemment, bah ouais. On va se régaler. Je vais vous ramener des bûches. C'est vrai. Cool. Pourquoi je suis en bois ouais, c'est vrai. Pourquoi Guylaine On va faire les fêtes avant les fêtes, c'est cool. Guylaine va nous manquer. Mais Guylaine sera dans sa famille. Ah, tu viens pas nous voir dans sa famille. Non, malheureusement. Oh. Ah, mais non Non, je retourne en Bretagne. Oh, la chance, trop bien. Ouais. Il va manger des vraies crêpes. Oh, mon pauvre. Des Queen Amman. Oh. Ouais, plein de beurre. J'en fais dans ma blanche. Quand je vais rentrer, j'espère que je vais avoir des galettes. T'en envoies pour par colissimo de client. Ouais, au pire, tu peux ou pas oui. T'auras de la galette sèche. Dégueulasse. C'est trop bon le Queen Amman. Ouais. Le Queen Amman, ouais. Ouais, mais il faut bien le faire parce que des fois, ils te les vendent, c'est tout froid, c'est dégueulasse. Ouais, hein. Ah ouais, c'est ça en fait. C'est pas une question de bien faire ou pas, c'est une question de durée. Ouais. Il y en a, ils le gardent même pour la veille. J'ai déjà vu ça non, dans non, il faut le chauffer, c'est pas bon sinon. Et ouais, voilà, c'est ça. Faut le manger en fait, peu de temps quand il sort du four. Ouais. Gérer 2-3 heures après, c'est. Qu'est-ce t'en penses, toi, qui es connaisseur ? C'est pareil, tu le manges. T'en manges d'ailleurs ? Ouais, ah, il dit ça comme ça. M'est arrivé, mais ah non, bon. Je mange pas tellement. Ah, bah, tu vois, il en parle, mais en fait. Bah, parce qu'il sait que c'est super gras. Ah, ouais. J'en ai beaucoup mangé parce que je suis d'origine de là-bas. Et ah, je savais pas. Moi, quand j'en sors de mon four, j'en mange. Faut le manger dès que tu l'achètes, faut le manger de suite au moins. Ouais. Puis après, moi, je trouve ça un peu. Et comme. Ouais. À force, j'avoue. J'en parlais. Quand tu grandis, tu manges de moins en moins dessus. Quand tu vois la. Non, mais moi, ouais, en tout cas. Par contre, justement, ouais, ça vient à un point. On a encore un petit peu de temps, on s'en fout. Ouais. C'est on oui, déborde. Bon, c'est les vacances. On a juste débordé de 23 minutes Noël. Déjà, mais c'est normal. Ouais, mais on a commencé en retard aussi. D'accord. On a commencé un peu en retard. Y a beaucoup de gens, en fait, qui ne connaissent pas le vrai goût des viennoiseries comme moi je le connais. Oh, fais-moi baver. Parce qu'en fait, comment dire, les goûts sont altérés en fait, avec le fait que ça attend dehors, à l'air libre, c'est plus chaud, c'est. Voilà. Alors que moi, j'ai le goût, on va dire, en mémoire. Direct, ouais. Ouais, voilà, que ça sort du four, genre même pas 5 minutes après, quoi, je le mange, même tout de suite, carrément, je peux croquer dans un croissant. Moi, j'arrive pas à trouver. Totalement différent. Mais j'arrive pas à trouver de bons croissants et de bons pains au chocolat dans le coin. C'est pas une question de bon, parce que dès que ça sort du four, en fait, ça sera forcément bon. C'est ça le problème. Mais c'est moins bon après. Un croissant mauvais, c'est bon. Ouais. Mais justement, quand ça reste dehors, là, tu vas tout de suite voir les imperfections d'un croissant. D'accord. C'est ça qui va ressortir. Donc, tu vas voir s'il est bon, s'il est mauvais. S'il est bon, il va durer plus longtemps que les mauvais, enfin, genre de trucs. Ouais. C'est aussi une température de cuisson, c'est savoir s'il y a les chaleurs tournantes ou pas, s'il y a de la buée. Enfin, la pâte de départ aussi, peut-être. La recette. La pâte de départ, la recette, effectivement, on peut y jouer. Les produits que tu choisis. Les produits que tu fais, la méthode utilisée, si tu fais du feuilletage inversé ou du feuilletage normal. Là, on est en train de parler de boulange, là. Ouais, j'ai trop dérivé. Il est à fond. Je suis parti dans le void. Ouais, tu nous fous la dalle, là. Je suis désolé. Il y a encore une bûche là-bas qui nous a ramené, donc ça va. Une petite bûche. Il nous gâte et tout, en plus. C'est tout ça pour dire qu'en gros, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le vrai goût en fait, des choses comme moi je les connais. Ouais. Et ça fait un énorme fossé en fait. Mais carrément. Moi je le rejoins parce que même en restauration, on a la chance de pouvoir goûter les plats qu'on a fabriqués de A à Z. Et puis ça n'a pas le même goût que quand c'est servi dans l'assiette. Ouais. Parce que c'est encore plus rapide avec les plats. Je pense surtout les plats en viande, des sauces. Ah ouais, tout. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est la vie, c'est comme ça. C'est le petit point boulangerie. C'est ça. On fera un point boulangerie dans chaque émission, mais quand même. Ouais. Ça sera le ouais. point bouffe. On va parler beaucoup de bouffe. Non, avec un voilà, avec Food Wars. Aussi. Et si on faisait une émission de bouffe, au final, ça peut marcher. Hein. Et ben, pourquoi pas. Notre cher producteur n'est pas très chaud parce que la bouffe en radio, ça marche pas très bien. Parce qu'il faut expliquer les recettes. Ouais. Si t'as pas subi le début, ben forcément. Il faut avoir aussi une image quoi, pour montrer le produit. Mais moi, je vais en parler de la bouffe tout le temps hein, dans la console. Non, mais tu vas parler de comment de la consommer. Ouais. Comment... C'est plus ça en fait. Ouais, ouais. Tu vas pas parler de plats, de recettes. Non, ou... j'irai voilà. pas jusque-là. C'est vrai. Même si je passe, je peux t'en parler. Mais tu passeras. Je pourrais te parler de trucs bio, de genre de trucs. Ah parce que, bah, eh bah écoute, dans mon domaine, je connais un peu. Pas de souci. Le pain bio à l'épaule. Moi, je veux bien que tu me parles de pain, de farine et tout ça. Voilà, tu vois. Je m'y connais en ça. Ah bah c'est parfait. Avec une voix très sensuelle. Ouais, bon, ouais. on n'arrête pas on de parler de bouffe comme d'hab. Ouais, bah ouais. Ouais, ouais, on oui, est déjà fou. J'ai faim. Eh ben, vous savez quoi, on va aller manger la bûche. Ouais, ouais, ça marche. Sur ces belles paroles de boulanger. Exactement. Je fais des bisous à l'escat. Voilà, des, bah, bah, ma prof aussi. De montage Léa aussi. Ah. Gros bisous à l'escalade. Bah nous on fait ouais. des bisous à Loïs. Ah, je lui ferai écouter l'émission là. Ah oh, merde. Demain. C'est enregistré. Mais... Bon tant pis, c'est pas grave. Et on fera aussi des bisous à Marguerite. Ouais, et des Marguerite. Bisous, ouais. Et des bisous à tout le monde. Tout le monde. Bisous. Joyeux bisous, Noël. Bisous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.